Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous et bienvenue à l'épisode 155 de chez Papa Cassette. Salut JF. Salut Dom, ça va? Ça va toi? Oui. On a eu un long segment. On est-tu bien loin de la maison puis des femmes? Exact, sur le trottoir de bois de Atlantic City! Pour ceux qui se joignent à nous, qui écoutent en différé, qui n'ont pas vu le début, on vient de voir l'exaltant Grand Boubou. Oui, puis j'avais oublié qu'il y avait deux versions. Il y avait celui-là qui a de l'air complètement batté dans un saut de blanc, puis l'autre qui est plus petit avec un plus grand chapeau. Ouais, là. Ouais. Mais là, c'était le blanc. Ça, c'est l'exaltant Grand Boubou. Exact. Il y a un médecin qui va venir parce que vos petites femmes collaboreront pas. C'était comme genre le top, le niveau de la condescendance contre les femmes et le prolétariat en même temps. Ah oui, ça va tout ensemble. Tout les pierres à feu, c'est que ça. Que ils sont ça. Proches d'Atlantic City s'ils vont là pour une fin de semaine. Fait qu'ils sont proches de nous autres, dans le fond, les pierres à feu. Là. Probablement. Carrière Miroc quelque part, derrière. Si l'exaltant Grand Boubou annonce ça même pas une semaine d'avance, qu'en fin de semaine, on va à Atlantic City puis que le médecin fait le tour de toutes les maisons. C'est proche. Donc, Atlantic City, dans la vraie vie, c'est proche du New Jersey. C'est au New Jersey, oui. C'est au New Jersey. Donc, on peut dire que Saint-Granit, on n'est pas loin. Saint-Granit, d'un carrière de la prairie, peut-être. On ne sait pas. Ça se pourra. Les frontières étaient lousses en ce temps-là. Elles le sont encore aussi maintenant, on dirait. Là. C'est vrai. 51e état. Là. Ah, écoute, tout ça va être resserré grâce aux bonnes menaces au de notre ami. L'Amérique, tout ça va être refait comme il faut. Ah, oui. Toutes les niaiseries que le Canada a laissé aller pendant tout ce temps-là. Mais là, c'est bien beau la politique, là, mais... On est mardi, Dom. On est mardi. Ben oui, en effet, ouais. Première chose. Parce que j'étais pas disponible la semaine passée, finalement. Puis là, c'est ta semaine avec ton gars, mais que tu vas avoir demain. Ouais, exactement. Alors, aujourd'hui, c'était la dernière journée. C'était plus facile que de trouver une gardienne. Exact. Puis là, tu l'as une semaine, on le fera pas garder. Non, le but, c'est que tu sois avec. Là. Exact. Puis, on le sait que... Puis ça a été noté dans le Nintendo Direct. Ça a été noté dans les commentaires sur Facebook que le Nintendo Direct, la nouvelle Switch, donc la Switch 2, c'est demain matin. Ben oui. Ça aurait été le fun d'en parler sur le spectacle. C'est sûr. Mais on pouvait pas, c'est demain. Mais le spectacle est tellement jam-pack ce soir que ça a comme pas de bon sens. Là. Exact. Ce soir, on a beaucoup de choses à parler. Première chose, on n'a pas fait de jeu de mots. On n'a pas fait de jeu avec les Canadiens. Donc, 155e, donc Jacques Plante et... Mike Pezzetta. Ah oui, Pezzetta. Pezzetta, Marco Pezzetta, oui. Bravo. C'est ça. Je cherchais, là, j'avais encore... C'est là. Le seul, je pense, qui me vient en tête, le 55. Hey, le 1, c'est... Il joue à soir, en plus. Ah, il a trop joué de la saison. Lui, il patinait vite, par contre. Ouais, mais c'est tout ce qu'il fait. Hein. Ouais, c'est ça. Il patine très vite, puis il a la moustache en frappe, ouais, c'est ça. Il frappe pas tant que ça. Ben, c'est sa job, là, de se battre, non, des fois, un peu. Ouais, mais c'est vrai quand qu'il a coupé de la son mollet, il a perdu son mojo puis sa pertinence en ligue. Ah. Pas ben, Métropolite? Le 15 de Métropolite? Ouais, ben là, si on veut pas dire Métropolite à toutes les... on l'aime, Métropolite, mais on peut pas y donner tant d'amour. Il était là surtout pour son nom, lui. Ah ouais, avec le Glenn Métropolite. Incroyable. Mais oui, alors on a un spectacle bien chargé dans lequel on a un peu de... Je vais montrer un peu de collection. Ensuite, on va parler de Micro Genius. Ben oui. Ça va être fascinant. J'en voulais des spéciaux. Spécial Micro Genius, ça. Exact. Incroyable. Et j'ai pas beaucoup fait de recherches, puis c'est dur de faire des recherches. Ça sera comme ça. Micro Genius, ça sera louche et exact. Un peu de crosse. Ça va être garoché, mais on a quand même un petit peu de lore. Le là, show va finir, on va ça. Tirer sur une petite corde là, comme ça pour genre, un petit bon morceau de tissu pour se sortir de la cassette. Ouais, c'est clair. On va tout vous montrer ça tantôt. Et puis, on va critiquer un jeu de Micro Genius aussi, et puis qu'on a joué les deux. Et puis, tu vas nous présenter... Oui, je suis allé à San Francisco avant l'autre épisode. Là, j'étais revenu déjà, mais j'ai fait quelques bars arcade et j'ai vu quelques arcades intéressantes avec Ellie, fait que je vous en reparle tantôt. Exact. Photos et vidéos à l'appui. Ça sera un genre de segment. Ça. Genre, là. Et puis on fait un voyage aux États-Unis. Absolument. Comme t'en fais tellement. Ouais, ça fera, là, les États. Là. Ouais, c'est ça. Ça coûte cher et mon passeport est maintenant expiré, donc là. Terre-Neuve, mon gars. Terre-Neuve, oui. Saskatoon. Saskatoon, en char. Les grandes prairies, là, canadiennes. Rouler des milles et des milles en venant me gonner dans mon char. Là. Exact. Y'a que du bonheur. Et mais on a du gameplay aussi pour plein de jeux Micro Genius. On a, ouais, c'est fourré ce show-là. C'est bien plein de stock. Et puis en intro, on parlait de Nintendo Direct tantôt. Ouais. Il y en a eu un il y a quelques jours. Et puis, j'ai pas pu l'écouter là, très profondément. Il y a des affaires le fun par rapport à des jeux Switch que tu peux prêter virtuellement. Donc, si moi, j'achète un jeu digital, je peux te le prêter pendant 14 jours. Après, il me revient. Donc, tout ça est le fun. Cool, il y a une nouvelle application Nintendo aussi qui a été annoncée à la fin du Direct. Donc, tu télécharges ça. Puis, c'est une app là, qui te donne les nouvelles de Nintendo, ici et ça. Question d'être on va tout... supprimer dans deux semaines après l'installer, probablement. Là. Probablement, en effet. À la Nintendo. Je sais pas si tu peux la syncher avec Alarmo, puis toutes tes affaires, toute ta vie. Là. Puis, ouais, pour répondre à Finger Cut, on pouvait pas demain parce que j'ai mon fils le soir, fait que je n'étais pas disponible demain pour faire un spectacle, malheureusement. Ouais, exact. C'est on pour est ça, sur la semaine off de celle qu'on fait d'habitude. Là. Yeah. Des hommes occupés, comme disait Gazon Programmeur. Y est-tu nouveau, Gazon Programmeur? Non, non. Il nous a donné quelque chose. Ouais. Il nous a pas un first... C'est un first time chat? C'est un gars, ça... First time chat. First time chat. Voilà. On l'a déjà vu quelque part. Hein. Bon, ben, écoute... merci beaucoup. Merci d'être là. Merci d'être là. La crowd là. Mardi. Exact. Ah, c'est vrai. Hein. C'est peut-être une crowd différente. Une tannante. On est en compétition avec Fred en plus en ce moment, je pense. Fred Stream, son mardi. Ben, c'est des choses qui arrivent. Ils nous écouteront en rediffusion, ces gens-là, mais il y a plein de monde live pareil qui nous parle. Fait que c'est quand même très cool. Oui, mais aussi, ben, parlant de Fred, justement, ben oui, c'est de ça qu'on va parler. C'est un segway incroyable. Je pense que c'était même pas voulu non, de ta part. Pas du tout. Il y a un jeu qui a été annoncé dans le Nintendo Direct. Ça s'appelle Marvel Cosmic. Excusez, je rate. Cosmic Invasion. Et cela, mes amis, c'est le nouveau jeu de Tribute Games, le studio montréalais où est-ce que Fred travaille et qui vous a amené et qui vous a fait l'excellent Turtles Shredder's Revenge. Donc, c'est là un nouveau jeu. Ça faisait quand même un bon bout de temps qu'ils travaillaient là-dessus. Puis on était, tout le monde de la gang, maintenu dans le secret. Alors, on s'est fait reveal ça live en même temps que le monde entier. J'y ai parlé, puis il m'a dit, quand c'était difficile, toutes les choses qu'on a parlé de Marvel, de jeux de Marvel, avec lui qui était là, puis travaillait là-dessus, puis il fait pas rien dire. Là. Exact. J'ai jamais exact. Senti aucune pointe de ça pour vrai. Là. Fait qu'il était très bon, très fort. Très, très fort, en effet. Puis là, vous voyez le gameplay à l'écran, là, présentement. C'est un bel hommage. C'est ben, magnifique, là. Ben oui, c'est comme les Turtles, là. C'est un beat'em up arcadesque. Pas mal, ben, 2D, léché là, et joli 2D comme les Turtles l'étaient. On voit Captain America, Storm, Spider-Man, Venom. C'est deux bonhommes. Il y a deux bonhommes, là, de style galactique que je connais pas, par contre. Là. Ah ouais? Les deux à gauche là, qui flottent dans les airs. Là, je sais c'est pas les Fantastic Four, eux autres, là, me semble. Non, la fille, elle a une épée. Ah, la fille, non, là, mais l'autre, c'est pas Cyclope. Non, non, non, pas du okay, tout. Ok, j'ai peut-être mal vu. Vraiment pas de JF, en fait. Je vois que tu connais pas beaucoup tes bonhommes. Pas, j'ai été revu très, très rapidement, là. Celle-là, là. Pour vrai, j'ai même pas regardé, j'ai vu le trailer très vite aussi, là. Ouais. Je le redécouvre en ce moment. C'est vrai qu'on aurait peut-être dû regarder c'était quoi. Mais on l'apprendra plus tard. Et puis, bien sûr, si un... Au nombre de personnages qu'il y a, tu sais, Marvel, ça a tellement de bonhommes cool, puis je trouve qu'il y a encore plein de place pour plein de bonhommes. Je suis sûr qu'avec le Storm, temps, il va s'en rajouter tout plein, là. Ça va être crissement hot. La musique de ce que j'ai entendu en écoutant le trailer, c'était vraiment bon. Elle, là, je sais pas c'est qui, ce fille-là, avec l'épée. Et puis ce gars-là. Le suit qui ressemble à Captain Marvel. Ensemble. Mais... Ah, ben, c'est-tu Miss Marvel? C'est un nom, ou Captain ça? Marvel? Ah, je sais pas, man. je connais pas tout le monde. Mais voilà. Et puis, toutes les alternate suits disponibles. Je dis n'importe quoi. J'ai aucune idée de s'ils vont le faire, mais les possibilités, man, de plus de personnages. Il y a Nova qu'on dit. Ah, c'est Nova. Okay, voilà. Puis, il y en a un autre. Les suits, les personnages de plus. Il peut tellement avoir de stock. J'espère juste, par contre, que tu sais s'ils font une version physique, ils en feront pas quatre, là, comme, comme les Turtles. Et puis, c'est ça. Donc, ah, puis j'ai vu aussi pendant le gameplay qu'il semble avoir des références à Marvel vs Capcom dans le fait qu'on dirait qu'il y a un genre de tag ou attaque en co-op, tu sais, ou que quand tu calls un side, tu calls du renfort, le personnage il pop sur le côté, il fait son attaque puis il décrit. C'est pareil comme dans les jeux d'arcade de combat de Marvel. Donc, ça c'est très intéressant. Je sais pas ça va être quoi exactement la mécanique derrière ça. Et puis, c'est bien certain que ça va sûrement jouer à 4 et. Ben ouais, bien hâte d'avoir ça. On l'essayera. Ben oui, c'est sûr qu'on va essayer ça. Alors, bravo Tribute. C'est garanti que ça sera un succès, encore une fois. Grosse franchise. Ce sera dans ma Switch. Oui, moi aussi. Day one. Et puis, je suis content pour Fred parce que Fred, il trippe Marvel vraiment C'est un item de bucket list pour lui, ça. Exactement. Comme il aura travaillé très cool, vraiment, sur un jeu de Marvel et tout ça. Fait qu'il réalise un genre de rêve présentement. Donc, bravo. Bravo les gens. Fantastique. Deuxième et dernière chose que je voulais parler du Nintendo Direct, c'est un jeu que je connaissais pas et qui s'appelle Eternal Life of Goldman. Exactement. On va te mettre ça ici. Un petit jeu indépendant. Je vais prendre une gorgée pendant que le trailer commence. Tu vois, moi, je suis là, je travaille, je fais des vidéos. Là, on peut juste mettre ça de même et ça marche aussi bien. Ah ouais. On pourrait. Ouais. J'aime ça être prêt d'avance. Ouais, je comprends ça. Puis, ben là, il y a beaucoup d'animation. Hein? Ça ne montre pas le gameplay. Avance donc un peu. On s'en calisse de tout ça. Donc, c'est un genre de 2D. Check le bonhomme. C'est un vieux monsieur avec une canne. On dirait un run and gun, là, un peu. Ben, il n'y a pas de gun, mais c'est un DuckTales. Ouais, ouais. Au sens qu'il fait des pogo attaques, okay. Avec son bâton, avec sa baguette. Voyons, avec sa canne. C'est un vieux monsieur avec une canne qui fait des pogo attaques. Puis, j'imagine qu'il doit sacrer des coups de canne aussi comme un bat comme de baseball. Golf, là, comme au golf, en effet. Mais je trouvais tout ça très, très joli. Hey, c'est drôle. Et puis, c'est original d'avoir un genre de grand-père comme héros du jeu. Oui, absolument. C'est cool, ça. Il marche là avec sa canne très vite. Puis, ça me parle. Je pense que ça va être un bon petit jeu, ça. Phyla Vale, la fille pour Cosmic pour le jeu de Marvel. Ah ouais, Phyla Vale, hein, quand même. Je connais mes bonhommes, mais pas à ce point-là. Là. Non, moi non plus. C'est quand même surprenant comme choix qui est pas. C'est pas Deadpool, là, tu sais. Il y a du monde qui a unlocké qu'on sait pas. Ah, ben peut-être. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des bonhommes dans Marvel qui doivent quand même. Je sais pas comment ça marche. Je peux pas juste coller sur là que tu veux. T'sais. Tu vas avoir Hulk, Deadpool, les gros populaires. Je serais intéressant de savoir. Là. Ouais, en tout cas. Fait que, checkez ça, man, ce 2D action platformer, The Eternal Life of Goldman, Wishlist Now. PC, Switch, Xbox et PS5, disponible fucking partout. Je sais pas c'est quand que ça va être disponible. Malheureusement, on n'a pas de date. Eh ben. C'était écrit de « Oh non, Gamescom 2024 », ok, c'est une annonce, l'année passée. Okay, ça n'a pas de rapport. Et puis, c'est Retro Gamers Fan qui dit « J'arrive sur Sticker Brush Symphony ». Ah, c'était la musique, ça, ou quoi? Ouais, j'imagine que oui. Ça doit être ça. Je porte pas attention à la musique pendant que je parle. Là, non, on est trop batté. Ouais, c'est ça. Trop défoncé, comme le grand boubou. Mm-hmm. L'exaltant grand boubou. J'aime comment on appelle maintenant l'exaltant de JF Chrome partout, je pense. C'est chaque fois que tu rentres, les gens sont exaltés. J'ai une cape. Ah ouais, voilà. C'était ça. Bon, ben voilà. Fait qu'on va aller en premier segment. Collection, quoi, vas-y. Collection qu'on va faire. Alors, on va mettre la transition. Pendant que je ramasse les choses, je vais vous présenter ce soir trois jeux de Switch que vous connaissez très bien, en fait. Et puis, je vais unboxer une chose. Ah ouais? Oui, monsieur. Mmh. Alors, on commence par le plus vieux. Il s'agit de RZ, The Jewel of Faramore, dont j'avais déjà fait la critique ici même. Je pense même que c'était sur notre premier spectacle qu'on a fait ensemble. Parce que c'est le template que j'ai. Je crois que j'ouvre. Là, fait que je sais, exact. Dans notre template Photoshop. Je le sais que jamais pour pas perdre genre ton original. Fait que c'est tout le temps la même image de fond. Exactement. Et c'est RZ, l'image de fond. Exactement. Les dessous du show. Puis moi, quand je l'ai parlé, c'est parce que j'avais eu le code de nos amis chez... Embracer. Embracer, en effet. Et puis, mais là, le jeu est sorti physiquement. Ça fait quand même quelques semaines. Là. Alors, puis je sais pas pourquoi, j'ai oublié de le prendre. Fait que c'est disponible chez RetroMTL. C'est un platformer à la Zelda du CDI, mais agréable. Mais la compagnie s'appelle CDI aussi. Oui, CDI, comme un œil de graine, tu sais, seed. Ouais. CDI, c'est fascinant. Et puis, c'est fait par les gens, des gens aussi qui sont très connectés à Limited Run, du monde qui travaille là. J'oublie tout. C'est la démence. En tout cas, whatever. C'est fait par ce gars-là, vous irez dans le nouveau décor, il faudrait avoir la démence quelque part. Ouais, juste un bonhomme qui représente la démence. Qui nous regarde. Puis, il descend de plus en plus vers nous. Ouais. Hein? Fait que moi, je vous recommande ça. J'en avais fait... C'est beau, tout ça. Ah ouais, c'est laid, beau. C'est beau laid à souhait. Ah non, c'est spot on, dégueulasse, tu sais, comme à l'époque, mais pour vrai, c'est agréable à jouer. Ouais. Je vous le recommande. C'est disponible chez RetroMTL et puis c'est le numéro 221 que j'ai dans mes mains. Alors, on vous souhaite un numéro plus bas, qui sait. Hey, combien ça coûte, ça? On l'a mis, c'était 60$. Si 60$, c'est oui, vrai. 60. 60 piastres, 60 tomates pour un gros bidou. Deuxième jeu, The Messenger, qui lui vient d'être republished, man, par nos amis Sabotage à Québec. C'est le premier jeu de deux du studio québécois Sabotage. Ça a été un beau succès, mais ils commençaient eux autres à l'époque. Fait qu'ils n'ont pas eu un large print. Ouais, ouais. Il n'y en avait pas beaucoup de versions physiques. Puis l'original, il y a la version Limited Run, puis l'autre version Strictly Limited, ou l'autre, là, je ne me rappelle pas quoi. C'est pas Strictly Limited, c'est une autre affaire. Puis ceux-là, ils valent cher, genre okay. Au-dessus de 100$, là, et puis, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, puis c'est un excellent jeu. Mais ben, là, plein d'années plus tard, genre 5 ans plus tard, là, ils ont reprint des messengers et le voici. Et ça inclut aussi sur la cassette. Ah, le DLC. Le DLC de, comment il s'appelle donc? Picnic Panic. Donc, le ninja est sur une île tropicale. Là, genre. Fait que tout est sur la cassette dans ce boîtier-là qui coûte juste 40$ au lieu de 150$. Pour c'est plaisant. Un excellent, excellent hack and slash, old school, Ninja Gaiden-esque, mais tellement plus profond que ça, que tu peux changer entre le 8-bit et le 16-bit. Version québécoise, ouais, tordante, plus, hein. Musique de feu, tout ça, est, c'est vraiment hot. Fait que ça, c'est le complet package. Achetez ça chez Retro MTL, on en a plein, plein, plein. Moi, je l'ai acheté parce que, justement, le DLC est dedans la cassette aussi. Puis, je pense que ma version originale est scellée, en fait. Fait que je ne l'ouvrirai pas. Puis, je n'ouvrirai pas celle-là non plus. Fait que, voilà. Beau mais c'est un beau najou. Un beau najou à la collection. Un beau najou. Troisième jeu de Switch. Il s'agit du deuxième jeu de Sabotage, Sea of Stars, mesdames et messieurs. Ça, c'est la version I am 8-bit. C'est pas la version retail là, qu'il y a partout. Ça, c'est la première version, celle qui a été faite par I Am 8-Bit, que Sabotage a mandaté I Am 8-Bit de le faire. Puis après ça, il y a eu une autre version, celle avec la grosse lune dessus. Là. Ouais, ouais. Puis il y a aussi une version import avec plusieurs langues dessus, qui a un autre cover. Mais cela est apparu chez Retro Montréal. Et puis moi, j'avais toujours pas acquis ce jeu-là. Tu sais, je joue pas beaucoup à des RPG parce que c'est long, mais celui-là, tout le monde dit que c'est absolument malade, bien sûr, et je les crois, là, tout le monde a adoré, puis je le ferai peut-être un jour, fait que quand je le ferai, ben j'ouvrirai, je vais l'acheter du temps, j'ouvrirai pas cette version-là, mais de, tu sais, tant qu'à l'avoir, puis je le voulais, je suis content que ça soit cette version-là. Qui est comme celle du studio-ish, là, si je peux dire. Là. Ouais. Donc, puis c'est ça. Là, je mets 60$ parce que sur Price Charting, c'est beaucoup plus que ça. Et puis, vu que c'est la version un peu moins commune, il y en a sur eBay plus cher, 100$, puis tout ça. Mais ça se promène, tu sais. C'est random un peu, là. Donc, mais quand même, point de vue collection, choisir entre les deux, c'est cette version-là que je préfère avoir. Et puis là, on va prendre une gorgée parce qu'on s'en va dans une grosse affaire. Ouais, mais j'ai un autre. Ouais, j'ai hâte de voir ça, en fait. On va faire un unboxing, mesdames et messieurs. Belle je vais essayer de parler. Là, ça dit-tu mes affaires, moi, là? Là-dessus, non, ça a été livré ici. Okay. Chez Retro Montréal. Sur l'excellent groupe Facebook Finir des cassettes, il y a des gens. Je pense même que c'était notre ami Olivier Clos. Qui a mentionné un shmup, un homebrew, okay. Un jeu NES qui est un shmup qui a été fait. Ouais. Et puis, si on écoute le match du CH pour la course suprême, on se sacrifie pour vous ce soir, mesdames et messieurs. Vous pouvez le mettre dans le coin. Ouais, on pourrait le mettre nous dans le coin aussi. on se ferait flaguer. Ouais. Hein. Non, on pourrait se mettre pour nous autres sur l'écran d'overlay, mais on serait très distrait pendant le show. C'est clair. Fait que c'est ça, donc c'était un homebrew, c'était un shmup, un homebrew NES, et puis ils en ont tellement bien parlé sur le groupe que j'ai décidé de me le procurer. Il s'agit de Changeable Guardian Estic. Estic. C'est très drôle. Et puis ça, c'est 60 euros. 65-ish euros. Avec la conversion, les taxes, les douanes, ça m'est revenu à environ 100$. Et puis, on va sortir ça de la boîte. On peut enlever la boîte. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Ça vient avec un beau... Ça vient avec un cute sous-vert de Broke Studio, les gens qui ont développé ça. Très 80s. Oui, puis il est comme doux. Il est quasiment comme poilu. Ah ouais. Petite manette NES d'un côté et puis petite manette Famicom de l'autre côté. C'est joli ça. Et puis t'as un petit pamphlet ici de Broke Studio avec, comme dans le temps quand t'achetais un jeu de Konami, t'avais un pamphlet. T'as échappé un petit collant. Ah ouais. t'avais un jeu, t'achetais un jeu de Konami, ça venait avec un petit pamphlet du genre, là, ils te montraient les autres jeux disponibles. Ah ben ouais. En fait, Broke Studio... Comme ça, là. Exact. Broke Studio, je suis en train de me demander, ça doit être le publisher, tu sais. Ouais. Puis tous ces gens-là sont des indépendants. Mais d'après moi, ils font tous fabriquer leurs cartouches à la même place, tu sais. Donc, voici plein de jeux que vous pouvez commander sur le site de Broke Studio, en fait. Donc, magnifique. C'est magnifique, là. NES, Mega Drive, Genesis. Game Boy. C'est dommage beau, ça. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de faire ça, nous autres, genre, des publisher des jeux Homebrew, même au Québec, avec un... Moi, je vais faire ça. Ouais, on va faire ça. Old school. Pourquoi on fait pas de l'argent en ce moment? Je sais pas s'ils font bien de l'argent, en fait. Ouais, toi, tu fais pas mal d'argent, là, quand même. Là. J'en perds beaucoup, par contre, là. Ben, à cause de ta maison. Mais ma maison, ma vie, là. Tout coûte cher, là. J'en perds beaucoup. C'est triste, mais drôle en même temps. Bon, ben écoute, si jamais tu vas être plus heureux et que tu commandes un Estic, au moins tu auras un beau collant comme ça de Broke Studio que tu pourras coller sur ton char. Ce qui restera de ton char là, qui va se briser. Puis la musique est partie en feu. Donc, donc voilà le jeu. C'est un schmop. C'est un schmop. C'est une boîte NES version, format NES là, coin très coupant. Alors je vais sortir mon exacto puis. Là, le défi, ça serait de pas se couper un doigt, genre, ou de se couper un doigt live, ça fait des gros ratings probablement pour TikTok après là. Alors là, qu'on voit Dom qui. Ben, j'essaie de le montrer à l'écran. T'es pas obligé de le montrer à l'écran si c'est pour te couper pour vrai là. Ouais. Hein. Mais Dom essaie d'être très précis pour pas maganer la boîte là, comme un. Même un, que. Un professionnel. Oui. Et surtout, je pourrais garder le scellant. Finger cut qui dit plus tu fais de l'argent, plus t'en perds. Ouais, il n'y a pas tort. Ça dépend de tes loisirs aussi. Là. Ouais, en effet. Là, c'est long parce que j'essaye de découper le scellant pour qu'il reste sa boîte. T'sais. Puis je ferme médiocrement. Fait que fuck off. Excusez, là, je veux pas défaire les coins coupants. T'sais, je veux que ça reste coupant. C'est une opération de précision ici. Là. Ah, j'aimerais ça, tout montrer ça à TV. En plus, la musique stressante, je suis full stressé. Là. Je peux monter le son pendant que c'est ça. C'est peut-être de la musique de Esti. C'est bien bon comme musique, pareil. OK, ça arrive. On remercie le Chac à cassette pour la soundtrack. Ce que j'aime moins, par exemple, des Homebrew, c'est pas de leur faute, là. C'est vraiment du carton mince. Là. Ouais, ouais. C'est très mince. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un livret. Avec tout ce qui se passe dans la cassette. Tout ce qui se passe dans la cassette. Ah, c'est beau aussi. Faudrait que tu parles dans le micro, par exemple. Là, ben, je sais, là, mais je me dis que les gens... Ouais, ben, je peux. Ben, je vais commenter avec toi, là, vas-y. Bon. Alors, on voit le livret et tout ça, là. Bon, là, c'est ça. Il y a des bonhommes. Il s'appelle Ozil Kia. Bon. Nous autres, c'est Estic, puis il y a Ozil Kia. Des beaux noms. Comme le char. Comme le char. Ouais. Mais je sais pas c'est qui, je vais savoir. Ah, il y a Mary. Ah, ben c'est elle qui chauffe Estic. Alors, on vient d'apprendre qu'on... Estic. Puis il y a une copilote qui s'appelle Cannon, avec un K. Parce que ses parents étaient cool. Puis il y a un chat aussi dans la première page. Il y a un chat au début. Spécial message du chat. This is our first video game. Spécial message du chat. Ok, il y a comme une petite blague là de. Bon, il y a pas des blagounettes là. Ouais, c'est ça. Le chat du programmeur. Là. Exact. Très drôle. Quand tu joues à ça, faut-tu que tu dises Estic à chaque fois que tu meurs? Je sais pas. Estic, je suis mort. Alors, voici la cassette. Ça vient avec un petit sachet de Nintendo, comme dans le temps. Une petite sleeve comme ça qui, ma foi, lorsque j'y touche, est pas loin d'un original. Oh, c'est vrai. Le petit lisse. Ah là, je suis content, par exemple. Une belle cassette grise. Fait que là, tu peux mettre ça dans ton armoire, dans ta collection avec c'est les beau, autres. Là. C'est très beau. Là. Ah. Puis en arrière, un petit collant, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'ils font, les gens? Ils sont-ils en train de... Ils doivent se faire un finger cut. Quand je revois mes photos de toi, moi avec des cheveux longs, c'est-tu moi, qui parles? Je sais pas si ça se parle entre eux autres. Là, mais en tout cas, Estic... On est mêlés à ce moment-là. On est bien mêlés, on est slow-mo. Donc, voilà ce que ça a de l'air, mesdames et messieurs. Et voilà. Puis, ça fait quand même deux semaines que j'ai reçu ça, puis j'attendais de le dévoiler sur le show, alors je vais... C'est-tu one player ou ça joue à deux? Très bonne question. D'après moi, ça joue rien qu'à un. Ah. Mais c'est pas grave, on pourra y jouer au WEG. Et voilà, je vais l'amener. Ça se fera jouer. Ça se va se faire jouer là. Il parle de toi, Papa Cassette. Ah, voilà. Quand tu vois des photos de toi avec les cheveux longs, comment tu te trouves comment? Ben, jamais. Beau comme un cœur. C'est ça. Qu'est-ce que t'es laid? Non, j'aimais ça. Des fois, j'ai le goût de le refaire, mais j'avais les. Je trouvais que ça me vieillissait quand même beaucoup. Puis, j'avais pas envie d'avoir l'air vieux trop vite. Ah, pendant la COVID, quand t'as eu l'époque de Ah, j'avais les cheveux là, aux épaules, là, à un moment donné. Là. Fait que c'était bien, mais c'était beaucoup d'entretien, il faisait chaud, puis c'est l'ouvrage. Ouais. Je me suis tanné après un an. Mais peut-être que je vais le refaire. Comprenable. Mon père, il a pas arrêté, lui. De toute la COVID, il s'est laissé boucher les cheveux, puis là, il a les cheveux super longs. Je t'ai dit que j'ai vu tes parents l'autre fois. Oui, tu m'as dit ça. Je t'ai croisé toi, puis tes parents, genre, deux occasions différentes, dans la minute que je dors. C'est tellement weird, là. Ouais. Là, je sors avec mon gars, puis comme. Je regarde, puis allô, l'ami à Dominique! Je suis ah oui, c'est la mère à Dom. Ouais. Mon gars est allé sur le bord de la rue leur dire allô. Là. Ça, c'est drôle. Après ça, je suis allé chez mon père, chez ma mère, puis genre, il y avait mon oncle, ma tante qui était là, puis mon gars pensait que c'était tes parents qui avaient vu tantôt qui étaient là. C'est très drôle. Confusion totale d'un enfant de 5 ans. Ah oui. Ben oui, mes parents, ils habitent proche. Ils prennent leur marche devant chez nous. C'est l'ami à Dominique. Il faut que mon père marche plus. Il a les pattes raides. Puis moi, quand je regarde mes parents, tu sais, je me dis, surtout mon père, c'est drette comme ça que je vais être plus tard. Je veux voir. Je veux les pattes bien raides. Ah ouais, elles sont déjà raides un peu, me semble. Ah, alors, c'était le segment collection, mesdames et messieurs. J'ai bien hâte de jouer à ça. Puis, ben voilà, Jeff, ça sera à ton tour. Tu peux nous parler de ton beau voyage à San Francisco? Ouais, fait qu'il a fallu que j'aille pour le travail à San Francisco avec Ellie. À Frisco, à San Fran, en fait, avec Ellie. C'est la troisième fois que je vais là avec lui pour le travail, pour dans le cadre de la conférence Trailhead DX, compagnie de conférence de développeurs Salesforce, en fait, là, où ce qui annonce plein de nouvelles technologies. Puis cette année, c'était... que du AI partout. Là, ouais. Là, j'étais comme, je veux savoir le développement, pas juste que le AI, mais en tout cas. C'était un très court voyage. On arrivait là lundi soir, dans la nuit. Là, dans le fond, on arrivait à 11h30 le soir, 3h de décalage, donc 2h30 du matin. Puis on repartait à 5h le matin, le vendredi, puis on avait 3 jours de conférence. Fait que c'était très, très court. On a quand même réussi à faire 3-4 bars, 3 barcades, 4 escape rooms, des restos. Hey, les escape rooms. Alors, on a fait 4 escape rooms, on a tout réussi. Le monde était comme, il en revenait pas, c'était magnifique. Tu montes encore le jeu de TDI à RZ. Ouais, il y a Retro Gamers Fan qui voulait savoir c'est quoi le nom. RZ. RZ. RZ2TTE. Fait que ça, dans ces trois journées-là, on est allé à chaque jour dans un bar d'arcade parce qu'on voulait aller jouer aux arcades. On est de même, nous autres, puis on s'est promené en taxi autonome à San Francisco. Ah ouais, hein? C'était complètement fucked up, là. C'est-tu que c'est hot? Là, comment ça marche? Ben, t'as ton téléphone, t'as une application, puis tu dis « Je suis ici, viens me chercher », puis tu vois le taxi, son téléphone qui arrive. Là, il arrive, puis c'est un... C'était une Jaguar, genre, modifiée électrique, là, avec un paquet de caméras. Puis sur le top, ça marque, genre, GFC, mettons, puis ça tourne. Là, t'unlock la porte avec ton téléphone. Hein? Tu rentres, tu descends en arrière. Le char, il part, puis il y a personne qui conduit, puis t'es comme... Tabarnak, genre, c'est... Mais y a-tu des bancs en avant? Des bancs en avant, là. Tu prêtes à avec personne dedans? Personne dedans. Tu prêtes à t'asseoir en avant? Peut-être pas conducteur, je pense qu'ils vont dire débarque, genre, puis il va t'en de l'autre bord, mais tu prêtes à t'asseoir comme passager en avant tout seul, là. OK, j'ai vu du monde seul. C'était vraiment, vraiment weird. Deuxième jour, on t'a rendu très habitué. On déjà, tu sais, c'est. Ah ouais, hein? Mais pour vrai, les premières fois, on est comme. Aïe, aïe, genre, comment ça se. C'est donc bien, hein? Ouais. Ben, ça existe, les. Mais là, San Francisco, c'est une des deux ou trois villes qui ont ça en ce moment aux États-Unis que tu peux faire ça, là. Puis t'es comme, pourquoi on parlerait avec des chauffeurs de taxi de bar maintenant? On va juste prendre ça, là. C'est magnifique, là. Aussi, t'as l'avantage aussi que c'est pas des chauffeurs de taxi qui mettent genre du sambon dans leur char que t'étouffes. Ouais, c'est ça. Complètement. Si tu rentrais, tu peux connecter ton Spotify sur leur. Speaker, ben oui, dans Bluetooth, tu mets ce que ton tu veux. Beat, man. Moi puis Ellie, on n'arrêtait pas de faire jouer la tune de City Connection parce qu'on était pris là-dessus non-stop pendant 3 jours à faire une dérape sur City Connection, la musique. Là, pis, c'est donc bien hot. Ben man. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est beau, la technologie là-bas. Technologie, hein. Mais tu sais, San Francisco aussi, ville très weird, de genre full riche, plein de technologies, du monde qui chie à terre, puis genre des clochards. Là. Ouais. On a moins vu cette année, vu qu'on est rendu une grosse business avec Deloitte maintenant. On n'est plus dans les hôtels miteux, dans les quartiers pauvres. Moi, puis dans une chambre. Okay. On était à l'hôtel W. Chacun notre chambre tout seul. Puis j'étais comme, thank God. Parce que Ellie, il ronfle comme genre un tracteur, ce gars-là. Ouais, là. Ouais, ouais. Fait que ça, au moins, ça a sauvé mon voyage, même si on n'a pas dormi beaucoup parce qu'on a sorti. Puis on a fait ça d'affaires. Mais bon. Fait que premier soir en arrivant, on a déposé nos valises à l'hôtel. On était comme, ah, faudrait aller se coucher. où on pourrait aller boire des verres de mezcal. Genre, fait qu'on est allé. Genre, après une demi-heure, on était chaud raide, là. Puis, genre, ça a pas été. Dans un bar miteux que le barman fumait des clubs dehors, on était tout ça dans le bar. Il nous servait des shooters gratuits. Ça a dérapé très vite, premier soir. On s'est couché. Pas qu'il le lendemain, c'est pas grave, on est allé faire nos premières journées de conférence. Puis là, le mardi, ça. On a fait trois bars, mais en fait, on a fait deux bars d'arcane parce qu'on est retourné au même bar la troisième journée. Et le premier coup, on est allé au bar qui s'appelle The Detour à San Francisco. Et on rentre là, nous autres, on dit donne-moi un gin tonic tout de suite qu'on commence à jouer. On veut gamer, on game. Puis là, après une heure, deux jours, on est comme, il me semble qu'on est déjà venu ici. Genre, oui, il me semble que ça a changé de nom, mais c'est vrai. Il y a bien des gars qui se French. Non, c'était un bar gay, ça, c'est-tu? Un bar gay d'arcade? Ouais, on a continué à jouer parce qu'on s'accorde. Ben là, c'est comme un coup. Ouais, puis on s'est fait cruiser par un gars qui nous a montré. Bon, je reviendrai tantôt sur le jeu de Ice Cold Beer, mais il y a un gars qui est venu nous flasher ses skills de Ice Cold Beer. Moi, puis on riait, là, c'est-tu qu'on trouvait ça drôle, là? Ah ouais. Mais bref. Tu l'as, Ice Cold Beer, dans ce. Je l'ai, j'ai de quoi te montrer tantôt par rapport à ça. D'ailleurs, c'est magnifique, là. Fait qu'on était là, fait qu'on l'a échappé solide la première soirée, c'est gin tonic. Parce qu'on s'est dit, tu sais, on prendrait pas trop de bière parce qu'on va pas être ballonné le lendemain puis sentir mal. Fait qu'on va se saouler au gin tonic. Ouais. À en perdre le compte, là, genre des gin tonic que tu commandes. Illy droppait des gin tonic aussi à terre comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là, je suis comme, Illy, c'est ton tour, il a genre ouvert sa main, droppé un gin tonic à terre. Pow! Là, il game, puis le gars, il essaie de me mopper à côté. Illy se tasse pas, puis on criait, on était désagréable, là, ça. Je suis sûr qu'on était désagréable à la fin. Ah, là, mais... c'est sûr, man. Mais dis-moi donc, les machines, y étaient-tu aux pièces? Comment ça marche? C'était aux 25 cents. C'était peut-être 50 cents, mettons, la game. Là, je te dis, ah, ouais, okay. Jusqu'à une pièce, ça dépend. Il y avait des pinballs aussi. Là, fait que c'est quelques machines d'adresse, mais très peu. Là, mais il y avait le classique basket là, faut que tu lances. Ouais. Tout un peu de ça là-dedans. Là. Okay. Fait qu'on a vu plein d'arcades. Fait que de Detour, je vais t'en parler d'une coupe. Fait qu'il y aura mes photos de live là-bas et un gameplay après ça de ce que c'est. Le premier à te montrer, ça s'appelle Cosmotrons. Ça, c'est un jeu qui se joue à 4 et c'est... Ah, on dirait Missile Command sur l'Amico. Ça ressemble un peu à ça. C'est vectoriel. Donc, en fait, ça se contrôle avec 4 boutons. Il n'y a pas de joystick là-dedans. Donc, t'as comme un set à gauche puis un set à droite de 2 boutons chaque. Ton set à gauche te font aller ton vaisseau gauche-droite en rotation. Je vais mettre du gameplay, en fait. Donc, gauche-droite en rotation et l'autre va tirer ou faire aller ton thruster. Tabarnak. OK, c'est un genre de... Fait que là, t'as comme des missions à faire. Tu joues contre, puis il faut que t'ailles gagner le monde, aller secourir du monde sur des petites planètes. C'est très, très cool. Ça va vite. Ouais, ça a l'air pas pire. C'est vraiment une belle petite machine. Ça s'appelle Cosmotron. C'était vraiment intéressant. Aïe, aïe. De l'extérieur, on dirait quasiment un charcoal. Tout en aluminium, là. C'est vrai. L'arcade. La photo, ouais, on pleure. Ouais, ben, en bas, on dirait des. Il faisait noir, là. Des affaires de. C'était là où tu mettais ton 25 cents, en fait, là. Ouais. Bon, après ça, Dom. C'est moderne, ça, quand même. Ouais, c'est une des récentes. Puis je suis même pas tant sûr, c'est peut-être même pas une arcade. Il y a peut-être genre un ordi en arrière de ça. Ouais, c'est ça. Dans ces modernes-là, il y en avait deux, trois que je pense que c'était des ordis. Puis je pense que les jeux sont peut-être sur Steam. Fait intéressant à regarder, là. Bon, après ça, évidemment, un grand classique, Dom. Tapper. Ah oui, monsieur. Avec le tap là, pour, comme physique sur la machine. Ouais. Et là, je vais mettre cette image-là ensuite. J'ai fait le deuxième high score parce que le premier, c'est moi aussi. Puis j'ai manqué mon coup en mettant mon nom. J'ai fait le mauvais bouton. Ah ouais. Mais je pense qu'il reset daily les high scores là-bas. Fait que c'était assez facile. Mais j'ai fait des high scores un peu partout quand même. Fait que j'étais quand même fier de faire un high score sur. Évidemment, on n'a pas à vous présenter. Bien sûr. Tapper. On en parle. Ben, on a peut-être des nouveaux auditeurs. Là. Ou les gens en audio qui ne sauraient pas de quoi on parle. En fait, c'est un jeu que tu dois servir de la bière sur 4 barres, en fait, dans la verticale. Ouais. Donc, tu peux changer de barre et tu dois lancer les verres et les reprendre quand ils reviennent sales pour les prendre et les re-remplir. Là. Faut que tu te dépêches et t'en shoot à tout le monde. Et puis, mais il faut pas que t'en shoot trop parce que si t'en casses, tu perds une vie. Tu perds une vie et là, tu perds des points. Fait que, puis l'arcade elle-même, c'est juste, tu fais juste comme tirer ou pousser, ça fait la même affaire. C'est comme si tu coulais une bière. Ouais, c'est ça, exact. Là. Fait que tu coules des bières, en fait. Puis tu fais glisser le long des barres. Tu te déplaces puis tu coules des bières. Ouais, exact. Fait que c'est un joystick et t'as le tap, là, en fait. Là. Ouais. C'est ça qui est le fun à jouer de cette machine-là physique. Là. C'est une arcade que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien avoir chez moi. J'ai pas joué vraiment souvent en arcade à celle-là. Je l'ai pas vu souvent, en fait, live. Non, la vraie, moi, j'ai juste joué à Burlington. Non, je l'avais vu aussi une fois à une place, là, proche de New York, de plage, là. Puis, mais elle était toute décalissée, là. Fait que. Mais je me suis rendu au deuxième niveau, je pense. J'ai passé le deuxième, puis après ça, ça devient très difficile. Il y a des techniques. Hein. Tu peux clencher les niveaux ou tu peux grinder les niveaux pour faire le plus de points possible pendant que c'est pas trop difficile. Ouais. Mais on se rend loin, à un moment donné, t'es comme au fouf, là, c'est un bar punk, là, puis après t'es dans l'espace, puis ouais, là, ouais. Ça fucking tough, là. Bon, j'étais en boisson et je faisais mon possible avec tout ça, donc ça explique ceci aussi. Ensuite, un autre arcade qui s'appelle Death Ball. Une belle arcade ici, donc très très simple, un joystick et un bouton. C'est clairement des jeux Steam, ceux-là. Ça, c'est là, un jeu Steam, oui, effectivement. Arcadisé. Là. Ouais, celui-là, oui, je pense que je l'ai vu effectivement sur Steam. Ouais. Il est très très simple, comme je te dis, c'est un bouton puis un joystick. C'est juste comme deux wizards avec une balle, il faut que tu envoies la balle dans le but de l'autre. C'est un genre de Rocket League mélangé avec une affaire 2D de wizard, de même, là. Mais c'est très le fun. Faut que l'autre il reçoive la balle. Mais la balle, elle, ah, dans elle, le trou elle, de l'autre. Bas, hein, les trous sont sur les côtés, en fait, là. Ok, en haut. C'est dans le trou. Ouais, il me semble qu'il y a des buts à ces côtés qu'il faut que tu les envoies là. Okay. Mais oui, fait que t'as une balle, puis t'es un contre l'autre, il faut que tu bounces la balle. Là. Fait que ah ouais, c'est un Rocket League. Rocket League de 2D. 2D, le magicien. Ouais, ouais. C'est bizarre. C'était bizarre, on a pas joué très longtemps, mais c'était bien exécuté, puis c'était très le fun, puis j'avais jamais vu ça. Fait que c'est genre. Je vous en parle maintenant, donc ça s'appelle Death Ball. Quatrième jeu, en fait, c'est un 2 pour 1 dans celui-là. Je n'ai déjà parlé à Retro Nouveau, mais je n'ai jamais vraiment montré. Killer Queen, on n'a pas joué parce que c'est une arcade qui se joue à 10 personnes. Et en fait, c'est un jeu un peu à la, je te dirais, ben, là, t'as comme 5 personnes d'un bord, 5 personnes de l'autre, ouais. Deux écrans, mais les gens voient le même écran, en fait, c'est le même combat. Et c'est un gameplay un peu à la Balloon Fight, là, que tu vas flapper pour monter. Ah, ouais, t'as des ouais. choses à les ramasser, faut que t'ailles en haut porter des trucs dans une ruche, là, puis tu peux gagner le monde. Puis c'est très plaisant, on a vu du monde jouer à 5 contre 5, c'était vraiment le fun. Évidemment, on n'a pas joué Mopili parce qu'on était juste deux, mais c'est un arcade qui est vraiment le fun, qui est pas partout, mais qui c'est une grosse affaire, cette affaire-là. Là. Mais ça aussi, c'est comme un genre de jeu Steam, on dirait, non? C'est pas des. Ben, c'est pas des arcades. C'est pas des vraies arcades, ces affaires-là. Aussi. Ouais, je vais t'en montrer des vraies arcades de tout après, d'ailleurs. Ben, ça n'a pas besoin d'être vieux, là, mais. Mais je comprends qu'est-ce que tu mais veux dire. Mais c'est quoi ça, tu sais? L'extérieur, il est fait un cheapment, tu sais. On peut le remettre, hein, tu vois, c'est. J'ai... C'est des grosses machines. Il y en a un autre. Ok, c'est 5 contre 5. Ouais, fait que là, à deux l'autre écrans. Côté, c'est l'autre bord de la machine. Okay, c'est comme okay, deux okay. écrans, le même hey, gameplay. C'est gigantesque. Fait, l'attrait de ça, c'est que t'es 10 personnes à jouer en même temps. C'est ça qui est quand même très cool. Là. Okay. Il y a l'air d'avoir des compétitions là-bas là, d'équipe, de ça. Ouais, là, ouais. C'est ça. Là. Ok. Le dernier pour ce bord-là, pour cette soirée-là. Celui-là, j'ai vraiment été très impressionné. Ah non, attends, excuse, j'ai un autre à te montrer là-dessus. Ça s'appelle. Zombies, donc c'est un Killer Queen Deluxe, pas Deluxe, mais Redux. C'est comme une version simplifiée de Killer Queen tout seul. Bon, encore une fois, le high score, moi, ben même oui, en haut, fallait que je le mette pendant que j'étais là. Ben oui, mais on domine tellement. Pendant qu'on jouait à quelque chose, on jouait à ça sur le site, puis qu'il n'y avait pas personne qui jouait à ces arcades-là. Puis moi, puis là, on était comme, c'est long, mais hot, là. Bon, le gameplay que j'ai mis, Activate Your Windows dans le bas, là. C'est quelqu'un qui avait pris ça. Mais ça, je pense que c'est sur Steam aussi, donc ça s'appelle Zombies. Tu ramasses des petits insectes, là, puis c'est juste un runner qu'il faut que tu sautes, puis t'as un swarm qui arrive de la gauche, fait que si t'es trop lent, ben le swarm te ramasse, là. Une couple de power-up, là, tu peux pogner des ailes, tu peux pogner un gun à un moment donné. C'était bien, ça jouait très rapidement, c'était très le fun. Donc là, c'est comme une version de... c'est un D-make de l'autre, mais c'est un autre patente, le Steam, comme tu dis. Ouais, c'est là. Ça, un autre arcade style Steam, faite maison, je sais pas quoi. Un autre affaire, par exemple, que ça, je suis sûr que c'était une vraie arcade, que ça s'appelle Black Emperor. T'as déjà entendu parler de ça? Donc le contrôle que tu vois, c'est comme une roulette. Ouais. comme une roulette de tape. C'est un jeu de moto, donc ça représente un peu le pneu de la moto. Et t'as le gaz en fait à gauche, à droite en fait, et t'as la roulette. C'est comme un motocross maniaque. Fait que là, tu vois, il est en train de jouer à ça. C'est un jeu qui va très vite. Je vais te mettre du gameplay de ça. Ah ouais, ça a l'air fucky. On a capoté quand on a joué à ça. Donc là, tu vois le gameplay, mais ça fait juste avancer puis c'est que ta route va monter un peu en haut, en bas, des obstacles à éviter. Donc, avec la roulette, tu vas juste te déplacer du bas vers le haut, du haut vers le bas. C'est un gameplay qui était vraiment le fun parce que, tu sais, ces genres d'arcades-là sont le fun à cause de l'attrait physique de la patente. Comme quand t'as les trackballs. Je reviens sur les trackballs tantôt parce qu'on a... On est viré fou sur des trackballs, mais là, on voit le gameplay en plus gros, donc la roulette te fait juste aller de haut en bas. C'est beau aussi, le artwork. C'est super beau, le artwork est magnifique. C'est comme métal et sale. C'est dur à décrire, là, en fait, là. Ouais. Ils ont leur même, mettons, comme ça, là, on le voit aussi le style. T'sais, c'est très japonais aussi dans l'approche. Là, tu le vois en haut, Black Emperor avec les trucs écrits en japonais, justement. Là. Très, très spécial, toutes ces arcades-là. Fait qu'on était très contents d'essayer tout ça. On a joué à deux autres jeux, mais je t'en parle dans notre jour 2 parce qu'on est revenu juste pour essayer de finir les deux autres jeux que je te parle tantôt. Parce qu'on est de même. Le mercredi, par exemple, on est allé à une place qui s'appelle le Emporium. Que dans un autre genre de bar d'arcade, il y avait un stage, je pense qu'il y a des shows là, des fois, il y a des tables de billard aussi, c'est un peu plus grand. Fait qu'on a joué à quelques trucs, dont Double Dragon, Classique, on est dans les arcades plus classiques. On a vu des Bubble Bubble, on a vu de ce genre d'arcade. Ouais. C'est pas si le fun que ça. Non, hein? On va se le dire. C'est hein? ça que je m'allais dire. T'sais, j'ai mis du gameplay. On a joué à deux et dès qu'il y a deux ennemis à l'écran, ça se met à laguer. C'est pas très le fun. Ouais. C'est pas très tight non plus. On a joué un peu parce que c'était du dragon. C'est ça. On était là, il fallait qu'on l'essaye. Mais non, c'est pas très bon. C'est pas plaisant tant que ça. Là. Au NES, c'est plus le fun. C'est ça. Là. Puis si tu peux faire juste des Hellbow. Puis battre le jeu de même à juste des elbows tout le long comme il vient de faire là, parce qu'ils font super mal les elbows. Bon, des fois t'as des armes que tu peux prendre, c'est la seule affaire qu'il y a où tu peux faire garocher un baril. Ouais. Des affaires comme ça, mais c'est ça, c'est très très de base, c'est une très vieille arcade. Malade. Après ça, j'ai pas de vidéo, mais j'ai une photo de Illy qui joue à Arcade Player's Choice. Ah, j'aimerais savoir ça chez nous. Ça, c'est beau, ça. T'as-tu des infos, toi, là-dessus, un peu, ou c'est... Ben, dans le fond, là-dedans, tu mets des chips des jeux en question. Des boards, là, ou je sais pas quoi, là. Parce que t'avais comme plusieurs jeux que tu peux choisir, qui étaient des jeux classiques de Nintendo. Là. Mario exact. Là, il joue à Punch-Out. Faut aussi abattre Mike Tyson, malheureusement. Donc, tu peux mettre 10 jeux NES là-dedans, en fait. C'était des vrais arcades de Nintendo, faites comme ça, avec deux écrans, une par-dessus l'autre. Ouais. Et puis, l'arcade Punch-Out, justement, a c'est le même frame. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a deux écrans, un par-dessus l'autre, dis-je. Et puis, tu choisis ton jeu là-dedans, puis t'as un timer. Là, pour ton argent, tu joues X nombre de temps, puis après, c'est terminé. Fait que c'est très nice. On l'a essayé parce que c'était là aussi. Genre, il y a joué une fois et ça a été ça. Là, mais c'est comme jouer au Nintendo. Mais tu sais, t'as ça chez vous. Ça doit être cool d'avoir ça chez vous. Tu mets du temps illimité et tu joues là-dessus. Là, c'est hot. Après ça, on a vu Sonic Championship. Ah. Et là, on a fait « Ah, on va aller essayer de jouer à ça à deux. » Et encore une fois, c'était pas très bon. Je sais pas ce que c'est ça. Regarde ça comment c'est laid. C'est un jeu de combat. Genre. C'est un jeu de combat avec les personnages de l'univers de Sonic. Ça se contrôlait très mal. Les grabs n'étaient pas très bons. Genre, c'était jamais vraiment comme... On dit que t'es pas en ligne tout le temps, des fois, quand tu te frappais. Fait qu'on a joué très brièvement à ça, mais j'avais jamais vu ça non plus ailleurs, là, une Sonic Championship comme ça. Ouais, c'est quand même cool à avoir là, dans ton arcade. Ouais, exact. Là. Puis il y avait une bubble en arrière d'ailleurs. Là, fait que là, on entend la musique. Là, c'est ouais, ça, là. Ouais. J'ai joué à Bubble Bubble avec Illy aussi. On s'est rendu loin, mais on n'a pas fait long feu non plus. C'est pas évident à l'arcade, Bubble Bubble. Ça joue quand même bien, mais c'est. On se tanne un peu on aussi. On l'a fait, puis on l'a refait. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là. Et dernièrement, une affaire. Là, je tombe dans le pinball pour une exception d'homme, ce coup-là. Oui. Revenge from Mars, en fait. La particularité de cette pinball-là, c'est que le fond est une rétroprojection. OK. Fait que tu vois pas les bumpers, pas les bumpers, mais genre les cibles du fond, tu les vois pas. Fait que je vais te le montrer en vidéo, on va le voir mieux, là. Mais il y a des choses qui sont projetées en arrière comme un écran. Fait que c'est comme si tu, genre, envoyais tes balles dans des ennemis, dans des buildings, puis ça va changer pendant que tu joues. Ouais, check. Fait que là, tu vois en arrière un peu comme il va cogner sur des trucs, mais ça va réagir avec la vidéo qui est projetée par-dessus. Fait que t'as comme un... C'est comme un hologramme dans c'est le comme fond. Un hologramme par-dessus. Par-dessus. Le playfield. C'est vraiment. C'est spécial, ça, man. C'était pas facile à jouer parce qu'on était tellement mind blown par la technologie de tout ça, là. Ouais. Mais c'était quand même vraiment une bonne machine. Genre, elle est pas disponible partout, cette machine-là. Je l'avais jamais vue ailleurs que là, en fait. Ah, c'est impressionnant. Fait que Revenge from Mars, en fait, qui est probablement un genre de le deuxième de Attack from Mars, là, qui est un grand classique de pinball, là. Fait que dernier truc après ça, Dom, dans la journée, on m'a pilé, on a dit on va. Question de pas déraper trop parce que tu sais, on prend l'avion à 5h le matin, faut qu'on parle. Fait qu'on va aller boire avant de souper, on va aller gamer avant de souper. On l'a échappé pareil avant de souper. Ouais. C'était probablement même pire parce qu'on n'avait pas mangé, là. Mais on a fait comme OK, on retourne prendre des gin tonic et on va aller essayer de finir deux affaires. Donc, premier truc, on a passé beaucoup de temps. Ice Cold Beard. Ah, ça, écoute. Ice Cold Beard, pas Beard, pas. Beard, pas non. Beard. Non. Ice Cold Beard, donc, qui est une arcade mécanique. Oui. Qui a Wars of Targ, c'est là la première fois que j'avais joué avec. Oui, on avait joué, ouais. Qui est très plaisante, donc pour expliquer au monde qui voit en ce moment l'image ou qui sont en audio, c'est que t'as un playfield vertical avec des trous. Puis il y a des numéros sur quelques trous là-dedans. C'est comme un labyrinthe de trous en fait. Puis t'as une baie qui descend en bas. Puis t'as une barre qui part du bas qui va monter. Et t'as deux joysticks gauche-droite. Les joysticks vont te faire monter la barre à gauche et à droite pour faire monter la. La barre monte automatiquement. Non. Ah non? Non, toi tu montes la barre. Au début, okay. Elle est dans le bas. T'sais, comme, où est-ce qu'il commence en ce moment? C'est le bas de la barre. Là, elle bouge pas. Là. Mais toi, faut-tu. En faisant gauche ou droite, tu non, l'as en fait. Haut, t'as un joystick en haut en bas qui est à gauche, un joystick en haut en bas qui est à droite. Fait que t'as un côté qui lève ou l'autre côté. Fait que on va le mettre en vidéo d'ailleurs. Mais ça va peut-être expliquer mieux là, ici. Là. Donc, c'est un jeu de dextérité en fait. Là. Faut que tu trouves comment bien contrôler la balle. Faut pas te faire des mouvements trop brusques. Exact. Puis on a passé beaucoup d'argent là-dedans. On a joué très longtemps. Là. Genre, on a commencé, il faisait clair, il n'y avait personne dans le bar. On s'est retourné. Je sais pas combien qu'on avait bu. Il faisait noir, puis le bar était plein. Là. On a joué vraiment longtemps. Là. Mais c'est... C'est ça. Faut que tu montes là, les billes, puis tu les mettes dans les trous là, qu'on voit qu'il y a des pointages. Ben, y a des trous, il y a des trous qui vont allumer. Fait que t'as 1 à 10, t'as 10 trous à faire. Là. Mais c'est ça qu'on jouait, puis le gars est venu nous voir, puis il est comme « Hey les gars, dites-moi genre, le chemin que vous voulez que la bille prenne, puis je vais vous montrer comment je le fais. » On était comme « OK. » Le gars est venu nous flasher ses skills, on trouve ça très drôle. Là. Mais moi, j'aime aussi l'artwork de tout ça. C'est magnifique. Là. C'est une machine de Taito. Ah, j'aimerais ça avoir l'espèce ça. L'espèce de Cassiopée qui tient une bière, Ça fait très 70s aussi. Là, c'est vrai que ça fait 70s, c'est vrai. Ah ouais. La fonte utilisée pour le logo de Ice Cold Beer et tout ça, là, c'est... Non. Puis bien sûr, une machine de même, c'est tout le temps brisé. Ouais, j'imagine ça doit être brisé. Je dis que ça doit être brisé tout le temps, ça me fait capoter. Mais oui, ça doit être... Je l'ai jamais essayé. Je l'ai même pas essayé au House of Targ, non. Elle marchait dessus? Ouais, j'avais joué avec Bruno, me semble, quand on avait été. OK. Je pense que je l'avais même pas essayé. J'ai peut-être joué avec Bruno quand j'avais été retourné au House of Targ avec une autre fois, c'est vrai, ça se peut. Ouais. Mais bref, puis oui, tu sais, il y a plein de monde dans le chat qui disent « Ah, c'est nice, ça a l'air vraiment addictif et tout. » Laisse-moi te parler de VR, Dom, 2 secondes. Le Quest 3, si tu le plugs sur un ordi, tu peux side-loader des jeux. Fait que tu peux loader des jeux qui sont non licenciés par Quest. Et dans ça, quelqu'un a refait Ice Cold Beard en VR. Ah ouais, hein? Et je l'ai... Ça, c'est mes images à moi. Donc, c'est moi qui joue en VR à Ice Cold Beard sur mon casque. Donc, allez dans l'application qui s'appelle SideQuest, cherchez Ice Cold Beer et vous allez pouvoir le jouer sur votre Quest. Man, puis c'était-tu, tu sentais-tu que c'était... C'est pareil. Parce que dans chaque main, t'as les joysticks. Ouais. Fait que c'est le même feeling, c'est juste que t'as pas la manette, mais t'as le joystick quand même. Fait que ouais. Le feel est écœurant. La réplique est identique, là. C'est du gros travail, là. Ah ouais, hein. Fait que c'est moi qui joue, là. J'étais meilleur, en fait, en VR qu'en vrai. Ouais. En vrai, je me suis rendu à 5... Je pense 5 ou 6, puis dans lui, je me sens tout à 7, je pense. C'est vrai que, comme Tony Biz dit, ça brise moins dans VR quand même. Effectivement. Mais si tu veux répliquer la vraie expérience, il faudrait que ça brise dans le VR. Ouais, puis là, faut que tu peux pas jouer. Le board, puis là, faut que tu répandes des conneries comme tabarnak. Malade. Puis dernier jeu, en fait, qui était la raison pour qu'on est revenu, c'est parce qu'il y avait une arcade de Marble Madness avec la Drag Ball. Ouais, je l'ai jamais essayé l'original. Et Élie puis moi, on s'est défait l'intérieur des ponts à jouer à ça. Tellement on a joué longtemps. Là. Ah ouais. C'est là qu'on criait comme des débiles la première soir à genre 2h du matin puis qu'on était pas très désagréable avec tout le monde. Puis on est revenu pour jouer, puis on a joué longtemps, puis on a pas réussi à le finir. On s'est rendu au level 3 sur 5. C'est très difficile, Marble Madness avec la trackball. Moi, je suis pas capable, mais avec une trackball, ça doit être spécial, mais j'aimerais vraiment l'essayer. Mais j'ai joué au net, puis j'ai la pocket, fait que j'ai joué avec sa pocket, puis c'est pas pareil le feeling. Ah, crisse pas, man, zéro. Parce que la trackball, t'as comme une motion, hein, tu pognes un genre de momentum là, ou de vélocité, oui. Là, t'es quand même, faut que tu le ralentisses, fait que tu vas tu roules à l'envers de ce que tu fais. Oui. C'est pas évident. Non. Elle était 25 cents de la game, fait qu'on a joué beaucoup. Là, genre, j'avais 20 des piastres. Riches comme vous autres. Là. Je disais à Ellie, ça va, j'ai 20 piastres, mais ça 20 piastres dans la machine à change, j'avais les poches qui faisaient comme. Très lourdes. Perdre mes culottes. Le monde a dû aimer ça dans le bar. Perdre mes culottes. Fait que c'était Marble Madness. Puis tu sais, moi j'avais déjà joué à Crystal Castle, tu sais, sur console ou en émulation. Le jeu d'arcade, là. Ouais. Mais quand j'ai joué à Burlington l'année passée, à une vraie arcade avec une trackball, c'est un tout autre jeu, là. Jouer avec une manette à des jeux de même ou jouer avec une trackball quand c'est une trackball à la base, là, c'est la vraie affaire. Mais là, je regarde pour me pogner une trackball USB et mettre sur mon ordi, faire quelque chose avec ça pour qu'on puisse jouer. Imagine avoir une trackball aussi puis jouer en pre-show. Là. Ben, Chris, oui. Rien que ça de possible. Ellie, il en avait fabriqué une à un moment donné. Là, pour ouais, ben ça, c'est ça qu'il m'a dit. Il sait plus où c'est allé, mais. Ben. Dans son gain, on l'a. Elle est à nous autres, là. On l'a acheté. Ils sont là. Elle est en entrepôt. On peut faire de quoi avec, là. Ouais. Mais les contrôles physiques toujours vraiment intéressants. Là, fait qu'on... Parce qu'on était comme, le premier soir, on disait, on est probablement juste trop chaud. On doit être capable de passer ça, on sent au niveau 3. Finalement, on s'est rendu au niveau 3 pareil. C'est très difficile parce que t'as du temps aussi. C'est ça qui est tough. Là. C'est... Oui, c'est ça. Tu fais une erreur, tu perds plein de secondes, puis de plein d'affaires qui te font chier. Là, c'est... Exact. Mais non, un très bon jeu, si vous êtes tombé là-dessus, dépensez tout votre argent là-dedans. C'est magnifique. Là. Malade. Puis voilà, c'était mon court périple à San Francisco rempli d'alcool et de pinball et d'arcade et d'escape room. Et... Chris, attends, ça doit t'avoir pris 5 jours de te remettre de ça. Ah, puis en plus, on est parti, on avait moins 3 heures, On est revenu le vendredi, on s'est levé très tôt le matin, à 5h du matin, plus 3h. Le lendemain, plus 1h parce que c'était l'heure d'été. J'étais tout mêlé là, dans la semaine après. Là, j'étais comme. Ah ouais, hein. J'étais vraiment. J'étais fatigué, mais pas aux bonnes heures. Là. Mais ouais, wow. Ça a été un beau petit, genre, 3 jours très rapide, in and out, là, de se promener là-bas. Là, puis... Quel beau voyage. Bravo. Être déçu de manger des buffets de fruits de mer dégueulasses. Qu'Ili nous disait il y a 3 ans, c'était magnifique. Puis genre, ça goûtait le cul. Là. Les temps changent. Ouais. Les temps changent. Faire l'escape room. Ben écoute. Ben, c'est des beaux voyages. Ouais. Puis je suis bien jaloux de ça. Fait que là, JF, il va se prendre un autre bière. Donc, ça va être le moment d'entamer. T'as peu. Là, je regarde le pacing. D'ailleurs, c'est 2-1 pour les Panthers. Ah, maudit. Ouais. Mais les Panthers et Brad Marchand. Ouais, exact. L'équipe de Raw, là. On a le temps encore. On a le temps encore de remonter. Les Canadiens, ça ne lâche jamais, au moins. C'est ça qui est bon, cette team-là. Tellement, hein. Mais ça serait le fun aussi qu'on soit pas toujours obligé d'être en train de pas lâcher. On pourrait-tu comme juste faire 2-3 buts puis maintenir la base? Ouais. Faut tout le temps, si on faudrait que Montembeau arrête d'en échapper une mauvaise et ouais, perdre son focus. Bon, ben, on va commencer en parlant de Micro Genius, les amis. Alors, on les a mis 3 fois en plus. Ben oui, les champions de la Coupe. On est capable. Je sais pas comment ça. Fait que, on va. JF, tu vas nous sortir un article. Tu t'avais avoué que t'avais pas ça, hein? Non. Je te l'avais pas mis? Non. Ah, je te l'avais pas envoyé. Je te l'ai envoyé dans le... Dans le Messenger? Directement dans Messenger. Es-tu capable de... Je vais voir. Est-ce que je suis logué sur... Oups. Ah ben, je peux te le renvoyer immédiatement. Mais on a oublié de faire ça. Je suis pas logué sur Messenger ici. Ah non? Bon, attends un peu. Ouais, c'est ça. Noir magnétique, tout d'un bout, les cartouches pirates, mettons, sur Google. Noir magnétique étant le blogspot qui a l'article dedans. Les. Bon, parfait. Il l'a. Pendant qu'on a de la bonne musique de Blaster Master. Tu es capable de full screener ça un peu? C'est pas mal full screen, ça. Ah ouais, ok, ouais, parce qu'on est dans le frame. Bon, voilà. Alors ça, c'est un article qui a été rédigé par Éric Saint-Cyr, que vous connaissez peut-être comme étant la personne derrière Catalogue Québec, donc un gars des archives, un gars qui aime ça diguer dans les vieilles affaires. Je l'ai envoyé sur le chat. Ah, c'est beau ça, c'est gentil. Donc, Micro Genius, en fait, il y a plusieurs compagnies qui ont fait des cartouches pirates. Donc, qui ont pris le modèle Famicom. Ouais, ouais. Et puis, on pouvait avoir ça ici au Québec. Et puis, il y en avait des petites annonces au départ. Ouais, le monde, il... Je n'ai pas le dire, OK. Ouais, ouais. Ben, ça remonte au début dans les photos. OK, ben, OK, c'est ça qu'on montre, OK. Ah, c'est ça qu'on Je fait. Je vais trop vite, ça. Ouais, tu vas trop vite. Donc là, tu vois, il y a des gens qui vendaient ça. Cassette neuve de Nintendo. C'est... Ah, voilà. Ah, tu peux zoomer les photos. Non, je voulais voir si je peux zoomer, mais ça ne marche pas. Mais vas-y avec ça. Donc, toi, là, tu pouvais être boulanger, puis on the side, mettre des annonces dans le journal. Wow. Avoir ton petit racket de cassettes de NES comme ça. Puis ce qui était intéressant, c'est que à l'époque, tu sais, là, c'est 31 jeux, 260 jeux sur 100... une cassette. Ah, mais là, genre, 31 jeux, 150$. Exact. Puis là, ils te vendaient ça comme du rêve, tu sais, parce que dans ce temps-là, un jeu aux distributions consommateurs, c'était 80$, là, un jeu Nintendo. Fait que là, t'en avais 42 esti pour 130, t'en avais pour ton argent, là. Mais bien sûr, on sait tous aujourd'hui que ces quantités de jeux-là, il y avait 20 Tetris et puis... Super Mario Bros, puis des versions avec des gens des toutes des affaires brisées, puis des affaires dégueulasses. Puis il y en avait des jeux qui étaient vraiment des ports directs du Famicom, mais un peu trafiqués. Il y en avait qui avaient des jeux plus complets. Il y avait Arkanoid, Contra, t'en avais un peu plus. Mais t'avais des classiques Famicom qui revenaient sur probablement toutes ces cassettes-là, genre Jack and Pop, puis Popeye, ces affaires-là. Exactement. Tout le monde l'avait sur peu importe la version de votre cassette que vous aviez. Là. Et le grand classique Wild Ball, la fille que tu déshabilles en jouant au Rush Papier. Je l'avais pas, moi, celle-là. Ah, moi, je l'avais. Ma grand-mère l'avait. Colin, avoir su ma jeunesse. Ouais. Ouais, Milk and Nuts. Nuts and Milk, oui, ouais. Totalement. Je le mélange avec Chuck and Pop, celle-là, tout le temps. Ah, Zippy Race, tout ça. Il y avait ton grand classique aussi, Road Fighter. C'est là-dessus que je joue beaucoup, là. Exactement. Ma jeunesse vient beaucoup de cette cassette 32 en 1, là. C'est... Ah. Mais moi, j'ai joué beaucoup quand même. Ma grand-mère n'avait une 260 en 1, puis j'ai vraiment beaucoup joué. Ouais, quand même. Ma tante avait une 52, me semble. C'est le plus haut que j'ai monté, 52. Puis, fait que ça, c'était le début, tu sais. Puis après ça, il y a des compagnies, dont Microgenius en Taïwan, qui sont mis à reverse engineer la NES pour faire leur propre NES. Fait que là, tu peux continuer à scroller les photos. On voit Super Mario 4. Fly ouais, ça, Raccoon. On va y revenir au jeu tantôt. Ça, ça en est des bootlegs. La 260 et ça, c'était purement ce que ma grand-mère avait. Exactement ça. Ça aussi, on va y revenir. Tu vois, il y avait des clubs vidéo aussi qui achetaient ça puis qui en mettaient dans leur inventaire. De là, bien des jeux que le monde a essayé. Ouais, tu vois, les... tu vois, c'est un beau line-up. Là. Ouais, c'est une grosse cassette, ça. Arabian, Pac-Man. Arabian, ouais, effectivement. Crazy Pouyan, Crazy Bros, Crazy Atlantis. Wow, celui-là, il y avait, que je connais il y avait Wrestling 1 et 2. Bon, Lunar Ball, tout le temps là. Baseball, tout le temps là. Kung Fu, tout le temps là, pas mal. Binary Land. Load Runner est sur n'importe quoi qui a une chip informatique. Load Runner est dessus, je pense. Là. C'est clair. Puis, mon système d'alarme chez nous, je pense que je peux jouer à Load Runner dessus. Là. Absolument. Puis, continue vers les consoles. Je pense que ce jeu-là, il est un cas, le Load Runner. Tiens, la prochaine, c'est une console. L'autre photo. Fait ah, que, ouais, voilà. Ouais. Ah, fait ben, oui, oui. Ils en ont fait. Donc, c'était basé sur la Famicom au niveau du look et puis dans l'ensemble, mais bien sûr, quand même changé. Fait que ça, c'était disponible ici. Là. Il y en a, vous pouvez trouver ça, In the Wild. Il y en a... Ah, il y en a une, je pense. Ah oh, oui, il y en a une, absolument. C'est quand même cool. Puis il y en a plusieurs. Celle-là, c'est la 501 machin, là, je sais pas quoi. Donc, eux autres sont allés all out, là. Puis bien sûr, tout ça, c'est de la piraterie. Ouais, ouais. Tu fais juste reverse engineer une console, tu copies la Famicom. C'est fou, pas? Il y a des cas de tu copies les jeux, tu crées ça dans des cartes, tu sais, tu changes les noms, tu fais... Fait que ça, c'était ça, t'as pas besoin de l'adapteur Famicom. J'imagine que c'est directement la cartouche Famicom. Exactement, ça. Exactement. Ah. Comme on le voit là, là. C'est quand même cool, ça. Puis ici, ça a été très présent au Québec. Ça a été présent beaucoup dans les pays où est-ce que la NES puis les consoles officielles se rendaient moins, tu sais. Mais étrangement, ici au Québec, ça s'est rendu pas pire. Je sais pas si c'est parce qu'on est des épais ou qu'on est cassé. On avait des contacts. On avait des contacts en Taïwan. Il y en a eu vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Donc, Microgenius a plein de jeux qu'ils ont fait et puis j'ai amené ma collection au complet ici puis on va passer les jeux. J'ai dit à Taïwan... On est un port quand même, on est sur le bord de l'Atlantique. Tu sais qu'on était une place qui avait des shipments et on a pu empoigner beaucoup par là. Ça se pourra. Probablement, en fait. Ça se pourra. Le port de Montréal est important pour bien des choses. Une passoire. Le port. Bonne et moins bonne ici au Québec. Ouais, hein. Ça, il démontre dans l'article aussi d'autres affaires. Ouais. Bon. Fait que, allez voir ça sur le site web noirmagnétique.blood.com. Bloodsports blogspot.com Bloodsports Microgenius les consoles pirates, googlez tout ça et puis vous allez pouvoir lire cet article. Ouais. Un article simple, léger mais efficace. Puis si vous voulez plus de détails, allez sur Wikipédia. J'y suis allé, mais j'ai pas trouvé de grande histoire. Ouais. Tu sais, genre, il savait pas, genre, tel gars a fait ça, puis c'était, tu sais, tout ça reste flou et fantomatique. C'est parfait comme ça. Mais aussi, c'est parfait comme ça. Puis Nintendo ont réussi à mettre la hache dans tout ça en attaquant le monde. Là, ils ont mis fin à ça. Là, t'sais. Fait que... C'est le cas qui disent seulement après ça pourquoi Nintendo sont frileux avec leur IP. Ben oui, mais ça fait tellement longtemps. Là. Fait que là, regardez, les amis, à l'écran, je vais nous sortir beaucoup de jeux de Minecraft. Oh, ben du plaisir sur la table qui s'en vient. Là. Puis là, j'avais l'impression qu'on allait les présenter. Dans la caméra. Je peux mettre la caméra de collection. Ouais. Mais attends, remets celle-là. Je suis encore là. Regardez les gens. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 20 jeux Microgenius ici. Puis moi, je les collectionne quand il y a le boîtier et puis la sleeve. C'est malade. Ça. C'est malade. Et puis, il n'y a jamais de livret là-dedans. Et puis, des fois, vous voyez, c'est écrit Microgenius en mauve. Des fois, c'est écrit en noir et des fois c'est pas écrit du tout. Puis, il n'y a rien, tu sais, comme... Ben, on va le voir tantôt. Donc, on va passer les jeux de ma collection Microgenius un par un. Alors, on commence tout de suite, JF, avec l'excellent Five Games in One. Oh! Là-dessus, c'est pour 150$. Tabarnak! À l'époque... Ah, là, un autre grand classique, le numéro 3. C'est ouais. Un de mes grands classiques, ça. T'as Super Mario 3 Jap version. T'as Super Mario 1. t'as Battle City, ça, ils l'avaient sur toutes. Ouais, c'est un pour ceux qui veulent savoir c'est quoi, c'est Iron Tank au NES. Ah, pour vrai, OK. Ouais, puis il l'a au Famicom aussi. Et puis, t'as Turbo 1989 Galaxian et Galaxian. Qui est probablement la même chose. C'est... Ben, écoute, là, t'as-tu la photo pas loin que je t'ai mis dans notre c'est... drive? Coudonc, JF, t'es pas préparé? Je sais pas, sont-tu ici? Je l'ai mis dans le drive. Puis, moi, je savais pas. Puis, pour le bienfait du show... Je sais juste pas où je les ai mis. Ah, voilà. Je suis prêt, juste que... sont loin. J'ai mis le folder là-dedans. Là. C'est ça. Tout est prêt d'avance. Là. J'ai jamais... En passant, les amis, j'ai jamais booté aucun de ces jeux-là dans ma machine. Puis j'ai une analogue NT. Ouais. Donc, il y a deux fentes là-dessus. Puis une pour les jeux Famicom, puis une pour les jeux NES. Alors, moi, ce que je fais... reviens à moi. Tiens, on va le montrer. Là. Dans le fond, tous les jeux étaient comme ça. C'est en deux parties. C'est en deux parties de même. Ça se sépare. Donc, ça, le top et la cassette Famicom. Ça, c'est Famicom. Et puis, pour que ça puisse jouer dans les consoles nord-américaines, t'as besoin d'un un adapteur 72 pins. Tu mets les deux ensemble, puis là, ça rentre dans un NES. Mais moi, j'ai juste mis ça dans ma analogue, puis ça marchait. Ah, puis, si vous demandez pourquoi il y a un petit ruban, c'est parce que quand tu rentres ça dans une NES, si tu veux sortir la cassette puis que tu tires là-dessus, l'adapteur va rester dedans. Tu peux pas perdre ton adapteur à ton NES. Tu veux pas que ton adapteur reste coincé dans le fond de ton NES. Fait que tu tires sur la bande. Les bandes sont tous d'un degré plus ou moins délavé là, maintenant que le temps. Exact. Ou sale, genre. Ou brun, en effet. Tu sais qui mangeait des chips en jouant au NES puis qui avait les mains propres. Puis d'ailleurs, pour ma collection de... Ah, fait que quoi, t'es content de la nostalgie à soir. Ah oui. Puis d'ailleurs, pour la collection, moi, j'essaie de me prendre des adapteurs parce qu'on a plein d'adapteurs aussi. Là. Je m'en garde des bandes propres. Parce qu'il y en a des bruns, friponnés, de pauvres, dégueulasses, man. Fait que fuck that. Plein de vieilles, genre, fumée secondaire de clopes. Ah ouais, man, des doigts, là, de pogo, là, de pauvres. Max Geek, 90s, qui dit « First time chat ». Hey, ben, salut. Max. Fait que voilà à quoi ressemble, dans le fond, un jeu complet. Puis là aussi, en arrière, on va vous le montrer, Microgenis faisait la promotion de leur console, et aussi, on développait un zapper. Fait que tout ça est de la... tout ça est cheap. Ah, oh, c'était... C'est absolument... J'aurais dû amener ma cassette, si je n'ai pas pensé, ma 32. Je l'avais chez nous. Ah, oh, j'en ai d'autres aussi chez nous, mais bref. C'est qu'il y a assez de ça que ça attend. Fait que si on peut revenir à la photo que je t'avais demandé, moi, j'avais jamais booté ce jeu-là. Alors, voici où est-ce qu'on arrive. 1989, Galaxian, c'est Galaxian. Donc, le Galaxian, pas Galaga. Galaxian, c'est le jeu avant... Okay. Ah oui. Pense Galaga, mais simple. Ouais. T'sais, c'est le premier jeu de cette série-là, puis c'est un jeu d'arcade. Mais 1989, c'est une version turbo, comme pas mal plus le fun, sérieux. je jouais, là, j'avais du plaisir. Là, Golden Romeo, puis Super Romeo, man. Est-ce que c'est drôle? Quand j'ai vu ça... Golden Romeo. Hey, Golden Romeo... C'est parfait comme nom, là. J'ai envie de changer Papa Cassette pour Golden Romeo. En fait, me le prendre comme nom de sidekick. Bienvenue chez Papa Cassette, accompagné de Golden Romeo. Ah non, mais... Attends, mais t'as-tu l'autre photo? Oh, oui, je l'ai. Puis là, quand tu bootes Golden Romeo, t'as Lambo. Romeo puis Lambo. Fait que ça pourrait être nous autres, ça. Golden Romeo puis Golden Lambo. On change... Romeo et Lambo, man. C'est un petit bon nom de duo, là. Waouh. Puis Golden Romeo, man, tu sais, ça peut être un char, ça peut être... Mais ça a l'air d'un char, une Golden Romeo. Oui, une Golden Romeo, ça peut être un drink, ça peut être un nom de porn star, man, ça peut être avec tellement de choses. Avec la montée des tarifs sur l'aluminium, puis tu sais, on pourrait se partir d'une compagnie de char québécoise, Golden Romeo. C'est le temps, là. Hey, Alfa Romeo, hein. Oui, man, puis Lambo Romeo, tu sais. Lambo Romeo. Tout est dans tout. Ah, c'est que c'est hot. C'est tellement hot. Wow. Fait que quand tu joues à ça, puis je l'ai booté, c'est comme Mario NES, là. C'est ça que c'est. Comme ou c'est, la... c'est ça? Ben, c'est pas comme, parce que tu vois, il y a des pourtours blancs un peu partout, là, puis nous autres, c'était pas tout à fait visuellement exactement comme ça. Mais, Papa Romeo et Jeff Lambeau. fait que c'est ça que c'est. Tu peux revenir à l'image d'avant. Oui, donc, Super Romeo. Ça, c'est comme Mario, Super Mario, brosse, mais que les niveaux sont d'autres choses. OK. Fait que tu commences, puis c'est pas le début de Mario normal, là. C'est ah, ouais, tout de suite. Ils ont fait le level design. Ouais, le level design est très différent, tout différent, là, tu sais. Fait que c'est random de même. OK. Battle City, c'est Battle City. C'est un grand classique, Battle City. Chez nous, en tout cas. Oui. Puis moi aussi, on a beaucoup joué à deux. Il y a eu beaucoup de chicanes entre frères à Battle City. Exact. Puis Galaxian, c'est le Galaxian de base là, que vous avez sur Famicom. Prochain jeu. 32-in-1. Peter. Celui-là, je l'ai-tu booté? Ah, je l'ai pas booté, mais on a les jeux en arrière. Donc, tu retrouves encore... T'sais. On est-tu capable de lire à l'écran? Ouais. Donc, on retrouve encore le Turbo Galaxian. En tout cas, KJ. Ça, j'ai l'impression que c'est Legend of Cage, The Goonies, un Super Mario quelconque. Ninja 2. Je peux pas lire, je suis trop loin. Je suis trop loin. Moi, de mon je peux micro, lire. Je peux. Ouais, vas-y. Ben, on le voit là, on t'est rendu Mario, Ninja 2, Connection, qui est probablement City Connection, j'imagine. Ouais. Bomberman, Pinball, qui était aussi sur tous les jeux. Pinball, oui, Pinball, Black Box. Qui est un bon jeu, ce petit oui, Pinball-là. Oui, j'aime bien ce jeu-là. Oui. Avec les Otari qui font le ballon. Oui. Battle City, bon, Pac-Man, Baseball, Ice Climber, un autre très bon jeu. Oui. On peut reparler d'Ice Climber dans Baby Mario. Il y a une référence un petit peu à Ice Climber, je pense. Ah ouais? Il y a un niveau que tu montes, là. Ça m'a fait beaucoup penser à Ice Climber. On va y revenir. On va y revenir, mais... Road Fighter, mon grand classique. Oui. Qui est Excite Bike, Load Runner 1, Exergion, je sais pas. Ah oui, ça, c'est un shmup qui va vers l'horizon, là, ouais, que tu planes demain. Ouais, je pense que c'est un jeu de Konami, ça, en fait. C'est dur à jouer, ça. Ouais, ouais, c'est très dur. Load Runner 2, parce qu'il y avait de la place, mettre ça. Galaga, Mario Bros. Chess. Tress! Mahjong 2, évidemment. Ouais. F1 Race, Kung Fu, Sky Destroyer. Oui, ça c'était pas pire, ça. Je jouais à ça. C'était un genre de Afterburner. Ah là, ouais? Ouais. Chris. Un jeu de Famicom. Là. C'était assez qualité pour savoir qu'à la base c'était un vrai jeu Famicom. Ouais. Là, Macross après ça. Ouais. Wrestling. Ça doit être Wrestling. Pro Wrestling, sûrement ça. Galaxian. Star Force. Circus, qui est Circus Charlie, probablement. Oui. King Kong 2, Mario Invisible et Excite Bike Invisible, parce que pourquoi avoir du plaisir? Aïe, aïe! Mais tu sais, Mario Invisible, c'est juste Super Mario, mais que tu vois pas dans le sprite. C'est de la pure merde. Excite Bike Invisible, mais t'as rien à... Ah oui. Je savais même pas que ça existait, j'ai oublié le fun. Tu fais juste surchauffer ton moteur, là. C'est ce que tu fais. Pour parler à Fingercut dans le chat, Goonies, qui a décrit là-dessus, je suis pas mal certain que c'est Goonies 2. Parce que Goonies 1, ça a été... C'est juste Famicom. Puis Goonies 2, man, c'est un main clusterfuck. Là, c'est compliqué. Là. Mais moi, je me souviens que toutes les Goonies que j'ai vues sur ces cassettes-là, c'était tout le temps des Goonies 2. Okay. En fait. J'ai jamais joué à Goonies 1. On continue avec Batman. Donc ça, c'est Batman. C'est Batman de video game au NES. Là, tout ce qu'il y a de plus classique. Dick Dog 2, regarde-moi ça, ah, c'est j'adore beau. Ce jeu. Moi aussi, j'adore ce jeu. Je joue beaucoup à l'arcade à ce jeu. Il était présent sur la plupart des multijeux comme ça à l'époque, mais n'était pas, n'a pas été release en Amérique du Nord comme un jeu standalone. Là. Okay. Dick Dog 1, oui. Ouais. Dick Dog 2, non. Il est présent sur la arcade One-Up de Pac-Man. Oui, c'est vrai. Je joue avec mon fils souvent, ça, c'est très le fun. C'est un bon jeu, c'est un beau take. Ouais. Ça, c'est ça pour moi, ça, c'est un petit coup de cœur, le Double Dragon 2 de Revenge. Christmas Special Edition de Noël. Qu'est-ce qu'il y a de Noël là-dedans? Je le sais. Les flocons dans la pochette. 1989, en bas, qui s'est écrit. Fait que, ouais, c'est le IQ 501, la grosse console. Beaucoup de textes. Oui, beaucoup d'explications, en fait. C'est des pro-tips pour le jeu. Donc, j'aime beaucoup ça parce que quand j'étais jeune, un de mes petits amis de camarades de classe en quatrième année m'a prêté exactement la version Micro Genius de même. Puis, c'est j'ai beaucoup joué. Édition Noël parce que c'est de décembre 89? Probablement, mais c'est tout. C'est là. Juste ça. Il n'y a pas de neige dans le jeu. Là, c'est... On tombe au décembre. Rajoute un petit texte dans le bas. Ah, on n'avait pas du gameplay pour tout ça, d'ailleurs. Mais ça dépend à quoi, là. Effectivement. On avait du gameplay d'affaires. Non, on n'est pas rendu encore à celui qu'on a du gameplay. Ok. On a quatre gameplays. Ok, je pensais que t'avais dit que t'allais en mettre pour toutes. Ben, j'ai mis sûr que tu m'avais mis du YouTube, fait que j'ai pas fait les autres. Ah, ok, ok. Ben, c'est correct. Je t'avais dit, fais-les pas. T'as dit, non, je vais y aller. Ben, on est rendu à un qu'on a du gameplay. D'ailleurs. Exact. Ça, j'en parle beaucoup de jeux. Attends un peu, je veux... Ouais. C'est Flip Pool. Donc, Rubik's Cube plus Tetris. Tu sais, quand tu veux vendre des cassettes. Mais tout ça est très mensonger. C'est assez unique. Ouais. Hein? Et puis, on peut voir les petits logos de Taito là, sur les bois, sur les cases ici. Ah ben donc, ouais. C'est un jeu de Taito. Totally Cube. Cubular Fun. Cubular Fun. Totalement cubulaire, amusant. Et en français, ça se traduit moins bien. Ouais. Puis en arrière, on a encore la même affaire. Des types. Un petit peu Sunfade. Celui-là, j'étais très content de l'avoir parce qu'il s'agit de genre Tetris 5 sur les, les cassettes multijeux. Là. C'est l'un des J'avais Tetris. J'avais jamais vu ça, pour vrai. Oui. Puis tu peux mettre du gameplay. Vous allez sûrement le reconnaître. Donc, tu es un petit blob là, qui lance un cube. Puis là, mettons, tu as un X dans les mains comme là. Faut que tu le lances sur un autre X. Puis là, donne le bloc d'en dessous. C'est un Tetris qui marche à l'horizontale. Ben, c'est toi qui lance les blocs un peu. Ouais, mais c'est qu'il te revient le bloc de après les blocs que tu élimines. Ah, ben ouais. Puis là, ben, avec ça, tu le lances sur l'autre. Fait que ça efface un bloc. Fait que t'es comme une patate dans une échelle qui lance des blocs. Oui, exact. Donc, c'est ça. Là, il y a un rond. Cool, là, tu lances sur les deux ronds. Là, tu vas avoir un bleu. Puis là, tes bleus. Ils sont coincés, tu peux plus y toucher. Fait que là, tu as un miss. Fait que là, tu viens de perdre une vie. Là, tu recommences. Là, tu as deux X. Regarde, un bleu encore. Puis là, je sais pas pourquoi il a gagné. Clear. Je pense que ça clear quand il te reste juste un de la sorte. Ah, peut-être, ouais. À la fin. Et puis. Ça serait-tu un bon projet de WEG, ça? D'affaire à se péter le cerveau dessus, là? Ou se passer long? Chris, c'est une bonne idée. J'y ai jamais pensé. T'as qu'à ça, là. Puis d'ailleurs, chers amis, pour ceux qui s'intéressent, il y a quand même quelques jeux Famicom qui ont été portés sur Game Boy. Et celui-là en est un. Ah ouais? C'est vraiment. Puis il a gardé le même nom, c'est Flip-Pool. OK. On dit, moi, j'aimais bien dire Flip-Pool. Je joue à Flip-Pool, mais c'est Flip-Pool. Et puis, c'est disponible sur Game Boy, je recommande. Là, c'est très cool, là, c'est très sympathique. J'adore la mécanique, pour vrai, du bloc qui te revient, c'est cool. Là. Exact. C'est bien pensé. C'est un Tetris bien pensé. Ouais, ouais. Estique. Là, on enchaîne comme par magie avec Pac-Land, The Story of Pac-Man 2. Ça aussi, là, c'est mon arcade de Pac-Man. Oui, parce que c'est une arcade, ça, à l'origine, c'est Pac-Land. Et puis, on a du gameplay. Oui. Je vais prendre une gorgée pendant que les gens se délectent de ce magnifique gameplay, ma foi, dégueulasse, là. Mais c'est un platformer de Pac-Man, dans le fond, là. Mais le pire, c'est que moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, là, c'est pas, à l'époque, c'est pas laid, en fait, j'étais comme un peu impressionné d'une certaine façon. Tu sais, c'est du platforming. Mais c'est les grosses masses de couleurs en aplat très c'est vrai, plat, là. Hein? Ouais, je trouvais ça inédit. C'est vrai que c'est un drôle de style artistique. Ah, ouais. Vraiment. Puis, en même temps, tu viens tout contre les limitations de l'époque. Je suis comme, ah, le on fait quoi pour le sol? Gros carré vert. Après ça, gros carré orange pour du sable. Exactement. Les montagnes, gros carré beige. Puis je comprenais pas comment ça marchait, parce que là, il finit un niveau, puis là, il faut qu'il revienne, c'ti. Puis là, les plateformes sont invisibles, tu sais. C'est quoi, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, tu sais. Fait que c'était très abstrait. Mais c'est un jeu d'arcade. C'est après la popularité de Pac-Man, ils ont décidé de faire un platformer, là. Je comprends rien ce qui se passe, moi-même. Ah, là, il a poussé une bûche, puis là, il a tombé une fleur. Puis là, avec la fleur, tu pognes un genre de... De demi-lune? Ah, c'était une vie, ça, je pense. Alors, salut un bison dans le chat qui vient d'arriver. C'est un Metroidvania. Ah, je savais pas que... Ah oui, c'est vrai. Ah, oh, tu pousses les... C'est un Metroidvania, peut-être. Ah, mais il peut voler. Dans le fond, il vole. Je pense qu'il a sauté, puis tu dois tenir ton bouton de sautage. Ouais, puis tu peux glider un peu, là. Ah, j'ai le goût de m'y remettre. Deuxième projet de WEG, on va démêler ça, cette affaire-là. On va des fois, chez nous, pour vrai, je suis comme, j'aurais-tu me patenter une affaire pour pouvoir filmer, genre, mes arcades one-up, puis gamer d'arcade live? Ben, tu sais, je suis comme, je me tente pas. Ça va être des choses à faire. C'est ça. Mais c'est une curiosité. Ah oui, c'est bon. Pac-Land. Pac-Land. Prochain jeu, Robocop. Ah, t'en as parlé au fond là-dessus. Simple de même, c'est ça. C'est Robocop au NES. Voilà. Prochain jeu. Side Pocket. Ah, nice. C'est Side Pocket au NES. Rien de spécial. Un autre très bon jeu. Un bon jeu de billard, pour vrai. On aime ça, les jeux de billard. Super Mario Bros. 3. Qu'est-ce que j'ai écrit? Japanese version. Japanese version, exact. Attends, il faut que je ressorte mes notes. J'ai ça ici. C'est la même chose que Golden Romeo. Est-ce que j'aime la note? Wow. C'est ça. Donc, c'est exactement... Donc, tu peux jouer Lambo, là, avec ça. Ah, là, c'est sûr que je jouerais Lambo. Comme s'il n'y a pas de lendemain. Je joue Lambo. Fait qu'imagine comment tu te fais crosser pour le même prix quand tu achètes ça séparé. Golden Romeo, ici. Alors, tu peux l'avoir avec quatre autres jeux. Ben ouais. Hey. Pour seulement 150$ de exact. L'époque. Exact. puis, ici, on a Super Mario 4 Flying Raccoon. Qu'est-ce que j'ai noté? Ça, c'est Super Mario Bros. 3. Donc, ouais, ben on voit l'image, en fait. Là, c'est... Ouais, mais ça veut pas dire des non, fois. Non, je sais bien. Parce que Mario Invisible, et puis j'aimerais vraiment ça le trouver dans nature, c'est exactement cette image-là. Pas mais de Mario? Ils ont pas mis Mario. Wow. Tout le reste est là, ils ont effacé Mario. C'est malade. ici, on a un qui va avoir du gameplay, mais parlez pas tout de suite. Il s'agit de Tetris... Pyramide. Lui, il m'a cassé le cerveau quand j'ai vu ça. Et puis, c'est écrit Sachin ici, puis je voulais juste mentionner, puis je me suis pris une note, qu'il y a de quoi avec Sachin. C'est comme un développeur de bootleg, tu sais. Ah ouais, okay. C'est comme une compagnie, on dirait que Microgenius a publié les jeux. OK. Puis Tetris Pyramide, c'en est un. Et puis... check comment c'est laid, ce logo-là. On dirait que c'est dessiné au crayon. Ça, ah oui, c'est... le style de qualité. Qualité numéro un. Mais tout ça, c'est pauvre. Max là, Geeks c'est qui dit « Demain au lancement de la Switch 2, Mario Invisible 2. » Il aurait pu faire ça aujourd'hui pour le poisson d'avril. Oh my God, ça serait donc bien hot. On a manqué de temps. J'aurais aimé ça en faire un pour vrai, un poisson d'avril aujourd'hui. Là, mais, ouais, moi aussi, je n'ai même pas fait pour le magasin. À cause du show et tout ça, on n'a rien fait. Là. C'est tout tombé un dans l'autre. Là. Exact. On aurait pu faire des recherches. Quelqu'un nous a proposé de faire les meilleurs poissons d'avril du jeu vidéo, mais on n'a pas le temps de faire la recherche. Mais je me rappelle que... Le iCade d'un poisson d'avril qui a finalement été produit par la suite. Là. Ah oui, c'est vrai. Ça avait commencé comme un poisson d'avril, puis tout le monde avait comme what, on en veut un. Là. Ouais. Puis ils l'ont fait, puis j'allais chez nous, puis il marchait encore. Ben oui, ton gars, il joue avec. Fait un petit bout qu'il joue plus, là, mais il joue à d'autres choses. Là il est revenu ses Hot Wheels. Là. Ah ben, c'est correct, là, c'est tellement le fun. Ben oui. T'as un hit, ça. Moi j'aime ça faire des courses de Hot Wheels. J'ai des pistes de course encore chez moi. Moi aussi, j'ai beaucoup de pistes, beaucoup de voitures, beaucoup d'affaires de Hot Wheels. Voilà, oui. Mario Invisible 2. Mario Invisible 2. C'est ce qui est bonne. Mais Tetris Pyramide, oui. On a du gameplay de ça, mesdames et messieurs. Donc, regardez-moi ça, comment ça a l'air agréable. Comment... Urk. C'est comme des montagnes. C'est Tetris, mais les blocs sont coupés à angle. Ouais, c'est ça. C'est ça que c'est, au fait. Et puis, ça existe au NES Retail. Tu peux acheter ça au magasin. C'est un unlicensed game, tout comme les Tengen, okay. Color Dreams. Sauf... J'ai oublié le nom de la compagnie qui produisait ces unlicensed games-là, mais ils en ont 5-6 certainement en dessous de la cravate. Là. Hey, ça a l'air difficile. Ouais. Ah, ça... Ben, en même temps... Mais ouais, tu as fini par t'habituer. Là, tu t'habitues, ouais, c'est ça. C'est juste les angles qui sont différents, mais ça reste le même gameplay. Là. Ouais. Mais c'est laid, là. Tu regardes c'est ça, man. C'est... Check en haut, dans ces lettres. Les nuages qui les passent nuages, en haut, c'est gros. on dirait des grosses roches qui passent dans le ciel. Coupé carré, là. Ouais. Pourquoi ils ont mis ça aussi, des roches? Personne qui regarde les nuages pendant qu'ils jouent, en tout cas. Ben, c'est dynamique. Ah ouais, pour les spectateurs dans la salle. Ah ben oui, pour ceux-là qui regardent le monde qui joue. Pour la grand-mère qui regarde quand tu jouais chez ta grand-mère quand tu étais jeune. Là. Good old days. Pendant qu'il y avait du sucre à la crème qui refroidissait dans la cuisine. Ah, hey, je suis dû pour faire une crise de cœur. Ben, c'est le temps des sucres, hein? Ouais, je sais. On se voit à la cabane à sucre samedi, d'ailleurs. Ouais. Fait que manger des œufs pour 50$. Exactement. Tout ce que je pourrais manger chez nous pour 10$, mais là je vais payer 50. Avec le désagrément ça va être d'avoir très long. Aller faire un tour de petit chariot avec un cheval qui chie devant toi pendant que t'avances là. Exact. Ah oui. La vraie vie. Le trafic pour arriver, le trafic pour repartir. J'ai vraiment hâte. Et puis, donc ici, on a Tetris 2 qui est parfaitement représenté sur le cover avec genre des guerres d'avions. Ben, c'est comme la guerre, le Tetris, c'est ça, là. C'est vrai, c'est la guerre mentale. Ah! C'est des blocs qui tombent. Pis... Hein? Fait que voilà, il y a du visuel d'avion, mais ils ont quand même mis une petite image de Tetris au centre. Et puis, ce jeu-là est en fait Tengen Tetris, là, qui est disponible sur NES, et puis qui est en fait le jeu d'arcade original de Tetris. Si vous saviez pas, le vrai Tetris, ben le vrai, en tout cas, le vrai nord-américain Tetris, c'est vraiment celui Tengen. Ouais. Qu'il y avait à l'arcade et puis qui a été porté sur NES, la cassette noire. Là. Puis celui que tout le monde a de Mattel, Nintendo, ça, ouais, c'est ouais. celui que Nintendo a produit, mais qui est très bon, qui est même, moi, je le préfère, là, personnellement. Mais ça, c'est le Tengen Tetris, donc c'est ça que c'est. Il l'avait à San Francisco, d'ailleurs, j'ai joué à l'arcade classique Tetris un petit peu, là. Ben, il l'a fait arcade MTL aussi. Ouais, mais hein. Pendant que j'étais là, j'ai joué à tout ce qu'il y avait là-bas, là, c'est ça. Ouais. Et puis là, on rentre comme par magie dans l'univers des Micro Genius écrits en noir. On a-tu du gameplay de ça? Non. Non? OK. C'est Choplifter. Mais... Non, c'est correct. C'est Choplifter, sorti au Famicom. Choplifter est une franchise qui existe et qui a des jeux sur bien des consoles. C'est ZX Spectrum, CPC, Amstrad, Amiga. Ces affaires-là. Sûrement, toutes ces affaires-là, j'en suis pas mal certain. Et puis, c'est un jeu d'hélicoptère où est-ce que tu pars, tu gunnes, tu vas chercher des otages, tu les ramènes à la base. Tout ça à l'horizontale, ouais, ouais. 2D. On stand de ce jeu-là quand même. Puis à un moment donné, ils en ont fait un, puis moi puis Bruno, on en avait fait la critique à Rétro Nouveau. Je sais pas si c'était là ou c'était genre dans notre première année. C'est un remake. C'est pas vraiment en audio. Là. En digital seulement sur PS3. C'était quand même très joli. Là. Okay. Mais c'est Choplifter. Fait qu'on stand. Ouais. Mais content de l'avoir. Là, ici, GF, un de tes grands coups de cœur. Ah, mon Dieu. Ah, oh, Seigneur. Quel jeu, ça. C'est... ouais, tu dis ça, là, mais c'est pas si malade que... Non, c'est pas très long. Il n'y a pas tant de gameplay que ça non plus. Là. C'est Circus Charlie pour ceux qui sont pas dans... C'est 4-5 niveaux là, de cirque. Là. Exact. Donc, premier niveau, on est sur un lion, on saute dans des cerceaux de feu. Après ça, on est sur une la corde raide avec les singes. Qui sont par-dessus. Le petit turquoise là, qui essaye de te snapper. Ouais, après, on a passé sur des ballons qui roulent. Ouais, quand tu sautes, il ne faut pas que tu tombes l'autre bord du gameplay, ballon. D'ailleurs, j'en ai. Ah, t'en as? Ben, nous autres, on est là qu'on parle comme des épais. Mais ça. Je sais que comment c'est propre ce gameplay-là en plus. Là. Mais ouais, moi, c'était un de ceux que j'ai joué beaucoup parce qu'il était pas très dur. C'était facile à maîtriser ce jeu-là quand même. T'sais. Puis je pense que tout le monde aimait beaucoup la musique, la thématique. Hey, regarde-moi ça, comment ce gars-là, il sait ce qu'il fait. Ben, cette personne. Ben là, il a fallu qu'il avance. Là. Moi, j'aurais avancé. Ouais, parce que aussi, ton temps, il diminue. Ouais. Puis ton temps, c'est un bonus point. Je sais pas ce qu'il fait. Fait que, on a choisi un gameplay spécial. Regarde dans le chat, plein de monde qui adore Circus Charlie. Là. Ah, il est sorti comme un gros 5000$ du feu. Ah ben, tabarnak. Parce qu'il faisait des scores. Okay. Je le savais pas. Ça, je savais pas non plus. Je me suis jamais rendu au niveau de faire des high scores, mettons de fou. Là. Ben, mais, moi, mais j'ai joué beaucoup. T'sais. Ben ouais, moi je faisais les. J'ai passé ce jeu-là. Je finissais les 5 niveaux. Moi aussi. Puis c'était pas si dur que ça, là, non, on s'entend. Non, c'est là. Pas si tough. C'est un jeu très simple. Je sais pas si on va se rendre jusque-là, mais quand c'est le ballon, le gameplay, il faut juste sauter. Il y a jamais de recul. T'sais. Il y a une manière de le faire en jump. Là. Moi, je me regageais un petit peu. Là, mais... Ouais, c'est du par cœur là, rendu là. Là. Il va avoir le petit singe bleu. Là, il est un il zéro une menace. Là. Fait c'est payé à la guerre de clown des années 90, ouais. Ouais. Mais oui, c'est parce que tout le monde a joué à ça, par exemple, je pense. Ouais. C'est un des genres de jeux que tu disais à... N'importe qui, t'as-tu déjà joué à ça, puis ils vont te dire oui, probablement. Puis tout le monde, puis il y a du monde encore à ce jour qui cherche ce jeu-là. T'sais, ceux-là qui se rachètent une NES, avez-vous, tu sais, le jeu, tu sais. Puis là, tout le monde, il y a Circus Caper qui existe, puis là, c'est un petit piège parce que c'est pas ça du tout, là. On voit les ballons. C'est très drôle. Mais Circus Charlie a jamais été porté en Amérique du Nord. Ça aurait été quand même le fun, mais on dirait que ces petits jeux simplettes Famicom, là, ils les ont jamais tant portés, là, tu sais. Ouais, ouais. Puis, oui, la toune. Ah, tu vas-tu en mettre? Non. OK. Non, c'est mon board est lâché. Bon, le board est lâché. Le board est déplagué. Bon, c'est-tu. Plagué. Fait que, voilà. Tout le monde est en grande nostalgie autour de ça. Ben oui. Circus Charlie. J'étais content de l'avoir, pour vrai. Pas commun, celui-là, en Micro Genius comme ça. Le prochain, on est-tu correct? Oui, le board est revenu. Je l'ai replagué. Voilà. Le prochain, Dynamic... Bowling. Dynamic Bowling. Donc, ça ressemble beaucoup... c'est un gros logo, man, puis tout. Là, la grosse affaire, tu regardes ça, c'est... Hein? Moi, je pensais que c'était un Bomberman, tu sais, mais redessiné. Mais non, il s'agit Donkey Kong qui joue au bowling. Oui, mais non, il n'y a rien de tout ça. Il s'agit de Championship Bowling sur NES. Ouais, okay. Et puis, on n'a pas de gameplay. Non, hein, j'ai plus de gameplay. C'est Championship Bowling sur NES, et puis c'est ça. Un jeu de Romstar, un jeu que j'ai jamais joué. Et puis, ça n'a rien à voir avec l'action qu'il y a sur le cover ici, là. C'est juste un jeu de quilles de base. Ici, j'ai un autre side pocket, mais avec un différent cover. Bon. Parce que, pourquoi pas? Combien ça prend de side pocket dans la vie pour être heureux? Oui. Au moins, ça... Oui. Oui. Ben, au moins, le plus possible. Au moins deux, la base. Là. Le pire, c'est que dans mon bureau, j'en ai d'autres, des loose, là, mais j'ai gardé les adapteurs. J'en ai plein de side pocket, là. Ton bureau, on rentre, on s'en fait, j'ai un side pocket. Il y a dommage du stock. Fait que c'est ce que c'est. Magique. C'est disponible au NES. Là, le grand classique, mesdames et messieurs, Baby Mario. Baby Mario, tout le monde, beaucoup de monde ont des souvenirs de ça. Vous y avez lu. Tout le monde a un fever dream d'avoir joué à ça, peut-être à un moment donné, ou c'est un rêve, ou genre, mais non, ce n'est pas un rêve. Non, ça existe, et c'est juste un nom très marketing. C'est, ouais, marketing, parce que c'est pas Baby Mario, en fait, le nom. Non, c'est Bayo Miracle Bukate ou pas. Bukate ou pas, ouais. En fait, on va en faire la critique, toi et moi, après ce segment-là, puis il reste juste deux autres jeux. Ça s'en vient. C'est tout. Mais vous avez vu ça, je vais l'ouvrir là, pour le bienfait de la cause. Moi, j'ai ma cassette en noir, mais des fois, il y en avait des blanches. Et puis, sur le dessus, c'est écrit Baby Land. Ah. Fait que pourquoi être raccord, JF, quand tu peux juste écrire n'importe puis, quoi? En arrière, c'est écrit que c'est une cassette. Oui, c'est écrit cassette. Donc, voilà, c'est une vraie cassette. C'est-tu pas beau, ça? Tony Biz qui demande, je pense que tu as demandé ça tantôt aussi, combien vaut ma collection. Vous savez, de Micro Genius. Il n'y a pas de listing de Micro Genius, c'est pas sur Price Charting. Il n'y en a pas sur eBay, où il y en a très peu parce que eBay flag ce qui est bootleg. Ah, sur eBay, tu ne peux pas vendre des bootlegs. Fait que quand. Oui, je vais y revenir, Tony. Mais quand le monde. C'est ça, quand eBay soupçonne un bootleg, c'est terminé. Fait que t'as pas des sold tant que ça sur eBay. Donc, moi, tous ces jeux-là, je les trouve puis je les paye pas cher. Ouais, si, mettons, toi, JF, tu dis « Hey, j'ai des jeux à vendre puis t'en as », tu sais, il m'a dit pour un side pocket, 20$, là, tu sais. Tu sais, 20$, 25$ chaque, là, moi, ça me convient. Quand c'est propre puis il y a la sleeve, Puis que c'est complet comme ce qu'on vous montre depuis tantôt. Moi, juste la cartouche comme ça, tout nu, ou bien même pas d'adapteur, ça m'intéresse pas. Je trouve que ça vaut rien du tout. Et puis, parce qu'il y en a tellement. Mais quand t'as le kit complet, un 20-30$, 30 pour les plus, c'est je suis prêt à le payer. Mettons Double Dragon, Circus Charlie, Batman. Puis il y en a aussi des Castlevania, c'est Holy Diver dessus. T'sais, tous ceux-là qui sont hot, là, t'sais, ils sont plus hot que les Mahjong et les Side Pocket, là. Ceux-là, je suis prêt à mettre un petit peu plus. Mais sinon, 20$. Puis en ce qui concerne Baby Mario, celui-là, je pense que 100$, c'est pas mal. C'est recherché, celui-là, le plus recherché. C'est le plus recherché de la gang. Puis dans le temps, il y a 5 ans, je n'ai déjà vendu un ou deux pour 80$. Là, fait que je pense qu'aujourd'hui, à 100$, quelqu'un voudrait bien avoir ça. C'est quasiment rendu aussi cher que la version originale Famicom. c'est ça. Mais il y a eu la version Disk System. Et la version Famicom. C'est celle que j'ai jouée, on va en parler tantôt. Oui, et puis ça vaut cher ce jeu-là, l'original, parce que c'est un très bon c'est jeu. C'est un excellent jeu, puis, spoiler. Puis là, c'est un jeu complet, tu sais. On a oublié de se parler de la note, là, mais on a... ouais, on s'en est pas parlé. On le fera live. Je pense, on se fera des signes. Puis c'est un jeu complet, parfait, puis platformer, exaltant. Ouais. Puis je comprends pas que ça a jamais été porté ici. Mais non, je suis en train d'en faire la critique, là. Bref. On y revient dans quelques instants. Fait que magnifique Baby Mario. Très, très heureux d'avoir ça dans ma collection. J'ai la petite lampe. Je vais arranger ça tantôt. Ben ouais. Le prochain, avant-dernier, Arkanoid. Donc, c'est le jeu d'arcade Arkanoid qui a une version NES nord-américaine. Celui-là, c'est drôle parce qu'il n'y a absolument rien d'écrit nulle part. C'est juste comme une boîte mauve. Et voilà, à l'intérieur, c'est la même affaire que d'habitude. Pas une boîte mauve, mais une boîte bleue. Fait que, that's it. Je sais pas pourquoi. Et puis, Blastman, je viens juste vous dire bonsoir, messieurs. Je vais écouter demain en différé. Je vais finir ma journée. Merci d'avance. Ah, les professeurs sont occupés. Les gens de la banque publique, là. Font de la correction là, jusqu'à tard le soir. Bon, hey, le dernier... je le présente avec Arkanoid parce que lui aussi, il n'y a rien d'autre autour. Il n'est pas écrit Micro Genius. Il n'y a rien ça à tranche. Il n'y a rien en arrière. C'est-tu les avions d'Afterburner tantôt sur la pochette de Tetris 2? Peut-être. Mais that's it, man. Fait que Afterburner, disponible Tengen en Amérique du Nord. Et puis, c'est ça. Afterburner qui est une grosse série qui existe toujours en arcade présentement, même dans les arcades récentes, là, quand tu vas... Tu vois, genre, au Cineplex Odeon, il y a un Afterburner qui est pété dans un coin et que personne joue, là. C'est... Exact. C'est un classique. Quand elle marche, elle est fun, cette arcade-là aussi. Là, c'est... Ah ouais, vraiment. Fait que c'était la totalité de ma collection, mesdames et messies. On va remettre le chat pendant que tu déplaces tout ça, voilà, avant qu'on s'en aille au prochain segment. Là. Ben, le prochain segment, c'est de critiquer Mario c'est, Baby. C'est ce qui reste sur ce grand spectacle. Ben, écoute, tu peux... Ouais, pour HQ. Pour des bonnes HQ? Personnes. Hydro-Québec. Ah, Hydro-Québec. OK. Crime, ça finit tard, ça, le monde de Hydro-Québec. Je te gage que t'es payé en double, si. Arrêtez de me gosser avec Kilo. Ben, tu peux partir ça, Jeff. On s'en va donc, mesdames et messieurs, en critique. C'est pas ici, c'est... Voilà! BioMiracle, beaucoup t'es ou pas. Développé et publié par Konami, disponible sur Famicom, Disk System et Famicom. BioMiracle, beaucoup t'es ou pas, veut dire en français BioMiracle, deux points, je suis ou pas. Genre, that's it? C'est ça, c'est mon nom est ou pas, genre, c'est ça que ça veut dire un peu, là. Fait que beaucoup t'es ou pas, c'est mon nom, je m'appelle ou pas, genre, c'est que... Le personnage se présente, donc le petit bébé... Mais c'est-tu un miracle de la biologie, genre, cet enfant-là? Je sais pas pourquoi... J'ai pas vraiment vu le backstory de toute l'histoire de ce jeu, comme qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi on est tout seul, pourquoi on se ramasse dans des mondes de chocolat, de gâteaux, là? C'est ça, hein? Mais l'artwork est cute, là, tu sais, tout ouais, ça... C'est pas l'art... Mais c'est, ouais, c'est... Il était très difficile à trouver en bonne qualité, là, en cassette, là, tu sais. Ouais, mais ouais. Ça ressemble pas mal à ça, en fait, là. Ben, oui, c'est le cover Famicom, ouais. Avec des écriteaux en japonais. Des écriteaux. On peut voir même tous les ennemis, là, donc le gros cochon, le crayon, ça va un peu partout dans ce jeu-là, en fait. Il y a une cloche, mais je la replace pas, celle-là. Je sais pas pourquoi. Ah, je sais pas. Mais bon. Ben, parlons-nous du gameplay. Voilà! C'est parti, mesdames et messieurs. Donc, j'ai mis une minute de chaque niveau, à peu près, fait qu'on devrait voir à peu près tout ce qui se passe dans ce magnifique jeu. Donc, c'est un platformer 2D. Dans lequel on joue un petit bébé qui marche à quatre pattes et on est armé d'un... Ça, bon, on va en parler vu qu'on le voit là. Le power-up incroyable que... Ce sprite-là me fait tellement rire. Quand tu prends l'étoile, donc pour devenir invisible, tu te mets debout sur deux jambes et tu te mets à courir et t'es invisible pour quelques instants. T'es invincible. T'as un chef... Ah, en fait, c'est... L'histoire, c'est que... t'es dans le royaume des rêves, puis le genre, il y a un méchant qui a été unlocked dans un coffre, puis t'as aussi un esprit gentil qui te donne ton hochet magique. Donc, ton arme est un hochet magique. Là-dedans, il fait transformer tous les ennemis en ballons. Oui, ça les gonfle. Ça les gonfle. Et tu peux embarquer sur les ennemis ou tu peux les faire rebondir vertical, horizontal ou en diagonale aussi. Oui, en les bumpant. En les bumpant, qui est probablement la plus grosse particularité du jeu. C'est pas mal le gros gameplay principal, autre que le platforming. Ça va être le bandage de ballons. Là. Exact. Hey, check. Hein, tu vois, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Quoi ça? Parce que quand tu pousses un ennemi gonflé, puis qu'il frappe un mur, il te revient en face, puis là, il te fait un dommage. Mais tu peux counter le revenage d'en face en lui donnant un autre coup de hochet. Tu fais péter à ballon. Ah ben ouais, c'est vrai. Ça, je savais pas, man. Puis, bon, oui, là, en fait, il y a deux types de niveaux de gameplay. Il y a deux niveaux comme ça qui est un niveau un peu à la... Dick Dog. Dick un peu. Dog, ouais, c'est un mangeage de gâteau, donc de creusage. Creusage, mais là-dedans, c'est que tu creuses dans du gâteau, en fait. Exact. Le rêve, vivre le rêve, c'est ça, là, ici. Là. Ah oui, ben c'est le premier niveau. Chaque monde a un thème, tu sais. Mm. Et puis ce monde-là, c'est le thème, c'est les pâtisseries. Les gâteaux. Ouais. Et puis il y a trois niveaux par monde. Ouais, et il y a six mondes total. Oui, me semble. Oui. Et puis, le deuxième niveau du premier monde, celui-là, était que tu dig-dog dans du gâteau en le mangeant. Puis, il y a la même affaire plus tard dans le monde des fromages. Ouais, que tu manges dans du fromage. Exact. Là, on a un autre type de gameplay ici où est-ce qu'on est dans l'eau. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des niveaux dans l'eau. J'ai oublié ça. Très sympathique. Qui n'est pas si pire, pour vrai. Souvent, on chiale quand le niveau dans l'eau. Celui-là va très bien, je trouvais. Oh, oui, il se contrôle bien. Puis, tu vas à la verticale, il faut que tu ailles par le haut. Et puis non, c'est pas c'est parce que c'est pas slow, tu sais. T'as la même mécanique de ballon aussi, encore même dans l'eau là. Exactement. Puis à la fin de chaque, ben pas tous, mais presque la quasi-totalité, chaque niveau, t'as des boss. T'as un boss fight, oui. T'as un boss fight. Mais des fois il y en a pas. Des fois il y a un petit coffre qui apparaît, un, et c'est fini. Je pense ou deux qu'il y en a peut-être pas là, ou et les niveaux qui sont de mangeage, y a pas de boss non plus là. Non, ça il y en a jamais. Mais c'est tout le temps le même boss. C'est beaucoup en fait, le gros cochon. C'est le cochon qui te relance des affaires qu'il faut que tu y bounces dessus. Puis c'est tout le temps la même mécanique un peu, mais dans des setups différents. Des fois le boss va être plus compliqué parce qu'il va y avoir des plateformes qui vont Il y a des trous, mettons, ou il y a des, ouais, des pics, ou des trucs un peu compliqués. Mais il y a aussi un serpent qui lance, ouais, du vrai. Feu. Il y a aussi une espèce d'hippocampe dans le monde en dessous. Ouais, dans là, une grosse, un gros hippocampe. Là. Et puis, tu pognes des power-up aussi de vie. Donc, tu peux augmenter ton nombre de cœurs. Tu pognes des biberons de lait. Des petits biberons pour un cœur de plus. Puis, un gros affaire de lait qui fait toute ta vie au complet. Puis, quoi d'autre? Plus tu meurs, plus tu pognes des vies au début, là. Ouais. Parce que tu accumules des cœurs, fait que si tu meurs et t'es rendu à 4 cœurs, tu peux recommencer à 4 cœurs. Fait que tu gardes ton. Ça, c'est intéressant. C'est un beau. C'est une belle mécanique, là. C'est un beau plus, en effet, parce que oui. Fait que c'est pas une récompense, mais ça te console d'avoir perdu une vie, tu sais. Mais ça t'aide, c'est de la misère, en fait. Exact. On a vu le gros lait, là, ici. Puis, oui, le gros lait. Le gros lait. Là, ici, il y a une petite mécanique de feu, une genre de lance-flamme que t'embarques dessus, puis ça lance du feu. Puis. Puis ouais, aussi, tu peux tomber de haut. Quand tu tombes de haut, il y a beaucoup là-dedans d'embarquer sur les ennemis. Là. Ils jouent avec ça énormément. C'est comme pas le choix pour aller pogner souvent des plateformes plus hautes dans lesquelles il va avoir un coffre pour aller chercher une vie ou un cœur. T'as pas le choix d'embarquer sur le monde. Là, puis quand tu tombes, tu te laisses tomber de haut, ben là, tu tombes sur le derrière un peu, sur le dos. Ouais. Puis là, t'as les pattes stun. En l'air, t'es stun un peu pendant un bout de temps. Fait qu'il faut que tu calcules ça. Là, ouais, t'es dans un joli monde d'intérieur, d'ordinateur et de chips informatiques. Avec des chips Famicom partout, là. Ouais, avec le logo de Konami, ça, en fait. Ah oui, t'as raison. Ouais. Fait que, t'as ce monde-là. Il est un petit peu labyrinthe, je pense, celui-là, parce que si tu prends pas le bon chemin, à un moment donné, tu recommences comme une loupe, là. Tu fais une loupe, ouais, tu recommences tout le temps la même loupe. La fois que je trouvais weird, c'est que t'as des trous en haut, puis tu peux aller dans des parties supérieures, puis des fois, tu veux pas y aller, là, puis parce que c'est comme moins intéressant. Exact. Mais ouais, c'est bien. Le monde des chips, comme ça. Ah oui, à l'envers, de le monde même. Est inversé aussi maintenant. Fait que t'as le tableau est vraiment. C'est que la gravité est à l'inverse. Fait que c'est quand même bien. Encore là, faut que t'ailles sur les ennemis des fois. Fait que à l'inverse, t'ailles sur les ennemis, ça peut venir compliqué. Le boss, celui, est quand même pas facile à cause justement du fait. À l'envers. À l'envers, fait que faut que tu penses à bander à l'envers comme ça. Là. Mais oui, puis moi, j'aurais tendance à penser que j'haïs un gameplay de même à l'envers. Mais. Il est pas trop c'est dur, bien ouais. Fait, tu sais. Ça fonctionne quand même. J'ai pas trouvé ça trop rushant. Non, ça m'a pas trop déplu non plus dans le monde ici des fromages. Ah oui, le monde du fromage et des et du lait et toutes les affaires qui donnent la chiasse. Là, le tableau pour le monde qui sont intolérants au lactose. Exact. Mais c'est correct, t'as sûrement une couche là-dedans. Et puis, on demande dans le chat si tout ça est sorti avant Kirby. Oui. Parce que, ouais. Parce que... Kirby est sorti au Game Boy en premier, mais il n'y avait pas de Game Boy encore quand Bio Miracle existait. Ou ça devait pas être si loin, en fait. C'est une bonne question. Si je me souviens, mais on dit que non dans le chat. Dans le monde des fromages, on peut caler dans le sol si on reste trop longtemps, là. Oui, il y a des sables mouvants ou du fromage mou. Effectivement, là, comme dans Mario... Et puis là, c'est l'autre niveau de mangeage, mais on mange du fromage. Beaucoup de fromage. Il y a des souris comme ennemis dans ça, là, vu que c'est du fromage. Exact. Puis... Bon, et aussi le sprite du bonhomme qui mange là, est incroyable. Ouais, il mange tout le temps. Là. Il avance, mais il a juste la bouche ouverte. Ça, c'est le tableau qui m'a donné le plus de problèmes, en fait, quand j'ai joué la première fois. Parce que aussi, il faut dire que moi, on a joué sur la Pocket, Shanker. Oui. Moi, j'ai joué sur la version Famicom Disk System. Parce que Michael, il m'a dit, joue Famicom parce que la soundtrack est incroyable. D'ailleurs, la soundtrack, elle est malade. Ah ça, ouais, ça, ouais. Je... La musique est vraiment bonne. Et dans une de nos soundtracks, d'ailleurs, là, qui revient souvent. Là, très bonne soundtrack. Mais oui, dans celui-là, il faut que tu bandes sur des genres de jello dans le bas, là, ou je sais pas quoi. Là. Oui. Fait que le timing n'est pas évident. De comme, faut que tu bandes à la bonne place. Puis faut que tu payes sur jump au bon moment pour sauter très haut. Puis t'as pas le choix. Là, il y a bien des trous dans celui-là. Bien des plateformes. Bien des oiseaux qui tombe dessus là, assez rapidement. Fait que tu finis par le savoir par cœur, le tableau aussi. Là. Ben, c'est beaucoup ça. Là. Puis à la fin aussi, les derniers niveaux, qui est un niveau de les niveaux de jouet, ça devient du par cœur. C'est un jeu qui devient par cœur. T'as pas le choix, parce qu'à un moment donné, c'est pas que c'est cheap, mais tu peux pas passer autrement que de le savoir par cœur. Comme le niveau des jouets, quand t'as les crayons qui arrivent et qui se mettent à te picher des genres de... Ouais, des, du plomb. Du plomb à terre, tu peux pas... passer à côté vraiment, fait qu'il faut que tu le saches. Là. Puis, sur quel core analogue? Ben, sur le core NES, faut que tu ailles le core. Comment ça s'appelle? Ah ouais. T'as comme trois cores sur NES, faut t'en mettre un spécial, serialized, quelque chose de genre, je sais pas si c'est ça le terme. Là. Moi j'avais un core qui marchait pas, puis quand j'ai comme changé, il est marché. Fait que ça va jouer sur une core du NES, normalement. Là. Ah. Sur la Pocket. Puis dans le dernier monde aussi, le premier niveau est un niveau où est-ce que tu te laisses tomber vers le bas. Fait que ça, c'est encore une fois du par cœur parce que tu tombes sur des pics que tu ne peux pas voir venir. Fait que c'est de l'essai-erreur. C'est un niveau, ça, que j'ai dû recommencer une couple de fois. Là. Mais très vite, au final, je l'ai appris. Là. Ouais, puis après ça, c'était une formalité. Mais aussi, tu as 3 vies. Tu as tes 3 vies pour faire le monde au complet. Hein. Fait que si tu meurs, tu recommences au début du monde. Mais il y a 3 niveaux dans le monde. Fait que c'est pas si pire, là. C'est pas si pire. Tu recommences pas jamais au début du jeu. Quand t'es game over, tu recommences au niveau ce que t'étais, là. Exact. Le monde que t'étais, ouais. Puis y a-tu des passwords, là? Non. Non? Mais non, t'as un outil de sélection de niveau au début. Ben, du moins, c'est sur sérieux? Mario Baby, il y a ça. Mais il y a pas ça. Tu payes sur Select, puis tu choisis ton niveau. Puis, je sais pas s'il y avait ça, là, mais... Puis là, on voit le boss de fin. Ça. C'est un boss qu'il n'y a pas dans la version... Il l'a pas sur Mario Baby. Quand tu finis Mario Baby, ça l'arrête d'un coup, bang, c'est terminé. Ça revient au title screen. Mais là, dans le vrai jeu, il y a ça. Qui est en chef. Qui est le en fait, l'être maléfique du coffre qui est sorti dans le monde des jouets là, dans, que je parlais tantôt, c'est ça. Là. C'est ça, c'est lui. C'est l'esprit maléfique, en fait. Là, donc, puis, il n'est pas très dur, là, le boss final. Là, Non, je l'ai eu du premier coup, je m'en venais nerveux. Ouais, je l'ai eu en 2 coups, puis j'avais peur de perdre mes vies, moi aussi. Premier coup, j'ai manqué ma chute à cause des éclairs que, genre, qui m'ont un peu fucké. Là. C'est vrai, ton Ibis, ça vire dark. Ouais. Ouais. Dans le monde, c'est rendu dans le monde des cauchemars, là, à la fin. Là. Ah ouais, c'est vraiment ça. Là. C'est le bordel. Mr. Rat Super dit dans le chat, « Salut les gars, qu'est-ce que vous pensez de l'AVS pour jouer au NES? » est-ce que vraiment nécessaire selon vous si j'ai déjà la pocket avec un dock, un bon show, j'ai hâte d'écouter ça demain? T'as pas besoin de pocket. Si tu veux jouer au NES, t'as déjà une AVS, t'es correct. Là. Mais si t'as une pocket, tu peux te pogner un. Check le commentaire en dessous. Nick Suzuki a égalisé à 8 secondes de la fin de la 3e et a scoré le but gagnant en prolongation. Wow! La saison du Canadien finit le 16 avril. La soirée du podcast a un show le 18 avril. Ah, et on espère que c'est. Pas le post-mortem, que c'est le début des playoffs. Là. Ah ouais, hein? J'aimerais ça y aller. Tu seras là si tu veux. Il y aura la place. Je vais aller boire des très gros shooters de boissons japonaises. Ben ouais, c'est parfait. Ah boy. Fait que, ouais, donc, écoute. Excusez. Où est-ce qu'on en était avec ça? Ben. On parlait de ça, le boss de la fin, là, puis tout ça. Là, ouais. Ben nowhere. Aussi les continues et tout. Alors, je me rappelle plus s'il y a des passwords, mais. Et moi, il n'y en avait pas, en fait. Moi, je le sais sur pause. Moi, j'ai joué dans l'avion, sur la pocket. J'ai joué sur le core du Famicom System. Et je me suis rendu compte en jouant que je ne pouvais pas le mettre sur Sleep et je ne pouvais pas le mettre sur The Safe State. Moi, je faisais des Safe State, ça marchait. Pas sur Famicom System. Pas celle-là. Ah ouais, hein? À cause probablement du Disk System. Tu sais, j'avais les panneaux genre Disk 1, genre ils changeaient le disque entre les tableaux. Là. Ouais. Fait que, en tout cas, je joue là-dessus. Fait que, j'ai joué dans l'avion, puis j'ai été obligé de fermer à genre 6-3. Ah, man. Puis je recommence en arrivant chez nous au complet le jeu, mais je vais le faire. Mais je l'ai fait 2 fois en fait là. Ouais. Mais c'était pas grave parce que c'était très agréable. Le platforming est très tight, je trouvais là. C'est. Oui. Tout va très bien dans le jeu. Il y a rien de cheap. Il y a pas. Ben moi, il y a une affaire qui me dérange par contre, c'est que c'est les plateformes tombantes. Que quand tu sautes dessus, puis il faut que tu sautes tout de suite parce qu'elle va tomber. C'est le bon timing, sinon. C'est comme tu colles dessus. Ouais. Je comprends pas pourquoi. Une fois que tu colles, faut que tu sautes, sinon si t'essaies de sauter trop vite, on dirait que tu colles puis tu tombes. Oui, là. C'est ça, faut que tu prennes le temps de rester un peu dessus alors qu'elle tombe, je pense. Ouais, ça, c'est un peu que tu sautes trop vite puis tu colles dessus, c'est étrange. C'est comme pas tight, ça, là. Mais pour tout le reste, ça va. Fait que, écoute, moi je trouve que c'est une vraie honte. J'ai beaucoup de plaisir à ce jeu-là, pour vrai. Là. Si vous avez une analog pocket, jouez à ça, là. Ah oui. C'est très, très, très dommage qu'on n'ait pas eu ça ici. Ah oui, pour vrai. Ouais. Ça aurait été un hit. Je sais pas ce que Konami ont pensé de pas sortir ça ici. Puis c'est pas comme si c'était. Il y avait besoin de traduction, puis qu'il y avait bien du texte. C'est rien, là. C'est facile, là, tu sais. Fait que. T'as le panneau dans le bas, là. Lane Hudson 3 passe à soi. Donnez-y le Calder. C'est incroyable. Fait que, oui, un 2 pour aller avec Mario Invisible 2, là, ça serait parfait. Baby Mario, serais-tu malade qu'il annonce Baby ça? Mario, le vrai. Fait que serais-tu prêt à donner une note à ça, GF? On pourrait donner une note à ça, effectivement. Moi, j'irais avec un 4. Ouais, là. J'irais sur un 4 moi aussi. Ça aurait été ça, toi aussi? J'étais entre 4 et 4.5, honnêtement. C'est très, très, très bon. Écoute, 4, ouais, ça va être 4.5 pommes. 4 parce que c'est pas achetable ou c'est pas trouvable vraiment, autre que c'est sur les cores, fait que... Ouais, en effet. Difficile d'atteindre. Tu perds 1.5 pour l'accessibilité du jeu. Exact. Mais tu sais, c'est pas un Mario 3, là. Non, c'est pas deep de même, là. C'est un jeu qui se passe en une heure, là. Exact, exact. C'est très straightforward, linéaire. C'est simplet aussi. Je veux dire, mettons, pour un jeu qui me rappelle la même chose, c'est Little Nemo Dream Master. Est plus complet, si je peux dire, plus vaste. C'est un bon platformer, mais c'est pas un platformer complexe ou avec de la profondeur. Ou, exact. C'est beaucoup répétitif. Les décors qui changent, mais l'enrobage est agréable. La soundtrack est magnifique. Moi, les décors, je les trouve très chaleureux. C'est vrai qu'ils ont le fun. Happy, tu sais, c'est juste du bonheur. Là, la musique aussi est très happy. Là, vraiment, à part dans le boss de la fin, là, ça vient un peu se gâter. Là, ouais, ça fait faire des cauchemars. Ben oui, mais à la fin, tu regagnes le royaume des rêves. Là, pis c'est un bébé qui fait un cauchemar, dans le fond, ça. T'sais. Exact. C'est juste ça. On a eu bien du plaisir. On a essayé d'en faire d'autres critiques. Ouais, mais c'est la fois que je voulais essayer, ça, qu'on fasse des genres de vieux jeux un peu. Soit obscur ou classique rétro, qu'on les fasse chacun puis qu'on fasse une critique commune de même, c'est cool. Là. Absolument. Serais-tu beau une collection de Switch sur tous ces beaux jeux? Collection Micro Genius. Collection Micro Genius. Ah, wow. Ça doit se faire, ça, mon Dieu. On le fait. Hostie, si on était riche, on pourrait tout faire ça. On avait du temps et de l'énergie. Je vais... Il est moins 10, genre, puis on n'a pas de questions du public. Il en restait peut-être d'avant ou sinon... Je regarde un peu les anciens posts. Là, c'est très drôle. Il y a Olivier Lapointe qui écrit... Ça fait plusieurs shows qu'il dit. J'aurais une question sur Pepper 2, mais aucun problème, ça sera partie remise. Il avait écrit ça sur le dernier show. Puis là, ce show-ci, je dis, il n'y aura pas de questions du public. Là, il a écrit... Ah bon, je vais garder ma question sur Pepper 2. Je sais pas c'est quoi. Ça, puis là, quand on a reçu Mike du Game Over, il a dit... Ah bon, j'aurais pas ma question de Pepper 2. Faudrait qu'à chaque show, on réponde pas à sa question. Mais lui, il arrête pas. Mais on dirait qu'il fait juste nous dire qu'il va nous question, poser... Il la pose jamais, tu sais. C'est quoi la fin? Ah, ben là, c'était là le temps, mais là, t'as manqué ton coup, malheureusement. Ah, man, ça me fait tellement Surtout rire. Surtout en bas de la liste. Ça devient du lore, ça, Pepper 2, man. Il y a quelqu'un dans le chat qui me demande si j'ai essayé le fameux poulet César. Non, mais je l'ai googlé, puis ça a l'air fantastique, puis je vais l'essayer bientôt. C'est quoi ça? C'est un restaurant qui s'appelle Poulet César, puis ils vendent du poulet. Là. Où ça? À Longueuil, c'est assez tuber dans mon coin. Là. Ah ouais, hein? Fait que faut que j'essaye ça. Non, c'est pas encore fait, là. OK. Du nouveau lore. Moi, j'aime ça, du lore. Là, on vient de rajouter Golden Mario, puis Lambo Mario. Puis Lambo, puis Pepper 2. Du poulet péruvien. OK. C'est sûr que je vais essayer ça maintenant. Faut pas que j'oublie, en fait. Là. Mm-hmm. Max Geeks dans le chat, pas une question, mais une appréciation. Toujours agréable de vous écouter, et surtout en live. Cheers. C'est très gentil. C'est toujours le fun d'avoir des gens qui sont live à chaque fois. Oui, c'est vraiment le fun de vous voir apparaître à chaque semaine ou réapparaître. Puis il y a des nouveaux là aussi, Gazon Programmeur. Il y en a qui viennent sur mes lives de soirée de podcast aussi, c'est très cool. Là. Oui. Blastman était là, Neveu était là. Une couple de personnes qui sont des réguliers ici étaient là, fait que c'est cool. Là. Puis aussi en magasin, ici, chez Retro MTL, j'ai vu Jocny Bélanger, hein, wow. Je pense. Ça se peut, qui est venu nous vendre des jeux ici, on a jasé. C'est lui qui travaille pour Pepsi, et puis il me parlait d'une chaîne de montage, puis en tout cas, c'est super intéressant. Il parlait développement industriel, c'était vraiment, c'est ça, c'était cool. Des fois, je passe en magasin en bas, je suis pas tout le temps dans mon bureau en bas, faut que j'aille en bas faire des petits trucs, tu sais. Puis des fois... Il y a du monde qui me regarde, tu sais, puis qui me font un sourire. Mais tu sais pas. Plus que si j'étais un simple clerk, tu sais. Ouais. Je sens qu'on dirait qu'ils me connaissent, mais qu'ils osent pas me dire bonjour, me dire « Hey, papa cassette ». Il y en a qui le font. C'est 50-50. Il y en a qui le font, puis il y en a qui le font pas, là, tu sais. Fait que, n'hésitez pas, si vous me croisez, ça me fait toujours plaisir de dire bonjour, puis de jaser. Ouais, moi aussi, si vous me croisez, ça se peut que je vous replace pas, puis j'ai l'air super awkward, comme d'habitude, là. J'ai croisé un ami à Étienne Brizard l'autre fois à Cage au Sport, puis je le replaçais pas, puis j'avais parlé genre là, 2 mois sur Messenger, comme one-on-one. C'était tellement awkward. Puis dès que ça s'est, je vois mon téléphone, je suis comme « Ah oui, Chris, fuck. » Ah, il vient au WEG, en plus, c'est un des nouveaux qu'Étienne a introduit. Là, Oui. Ben, je pense que je le connais, oui. Ouais, okay. Il me semble que sa face me dit quelque chose. Et il était venu me parler, puis j'étais comme ouais, genre, là, mon gars, il savait pas trop pourquoi quelqu'un qui connaissait pas me parlait, c'est drôle. Là, genre. Ah ouais, c'est hot, ça. Voilà. Mais je suis tout le temps très weird en public parce que je suis tout le temps perdu. La chaîne de Retro Nouveau, encore ça, tu es officiellement en dette. Ben, non, si vous le voulez, je peux la repartir. Je suis quand même, j'étais comme, ben, Mais elle joue pas sur Twitch. Ouais, mais j'ai arrêté de faire les diffusions en continu sur Twitch à un moment donné, puis je l'ai pas reparti. Ah ouais, pourquoi tu l'as arrêté? Ben, je sais pas. Il y avait deux personnes qui écoutaient. Des fois, je suis comme, ça me tente pas de gérer ça en ce moment. Je pourrais la repartir. Non, mais y avait-tu quoi à gérer? Non. C'est juste que ça roule chez nous tout le temps, là, en continu, là. Ok. Des fois, je le repartais. À un moment donné, il y a vu que je vais mon ordi, puis j'ai peut-être pas reparti, ça se peut, là. Mm. Je mais... pourrais la faire si le monde veut continuer à écouter ça. Ben, écoute, je te dirais. Ça faisait un an, puis j'étais comme, est-ce que je continue ou je le. Je peux le faire si vous voulez, ça me dérange pas, tout est là, là. Ben, c'est tout le temps une question. C'est sûr, mettons, Tony Biz, il le demande, c'est parce que peut-être lui, il l'écoutait, il était un des. Qui l'écoutait. S'il y en a un qui veut l'écouter, m'a le faire. C'est par rapport au travail, puis, tu sais, ça te consomme du bandwidth, ça, là. Bon, j'ai limité, il me fait pas que, s'il y a deux personnes qui s'intéressent, tu sais, ça vaut pas dans la peine. Tout ça est disponible à côté sur Spotify ou moi. Toi puis des fois moi qui regardais aussi là genre. Mais tout ça est disponible anyway là. Oh ouais, sur YouTube. Sur YouTube et puis partout. Puis bon, je comprends que c'est drôle de mais en fait, je pourrais le repartir parce que quand j'ai arrêté, genre une semaine avant, j'avais mis toutes les pre-shows. J'avais codé mon logiciel que avant le show, il allait attacher le pre-show associé s'il y en avait un. OK. Fait que t'avais une heure que le monde n'avait jamais vraiment vu de comme moi puis Bruno qui parle qui joue à Switch. Fait que je pourrais peut-être remettre ça là. Ou ben, juste les pre-shows. Ouais, whatever. C'est une question. Tout est disponible. Venez me parler si vous le voulez. Je peux vous faire un stream privé si ça vous tente. Je suis de même. Chris. Jean-Gabriel Harvey. Il y a des questions du public. Ben ouais, ouais, ouais. On va y prendre. Avez-vous un quest pour jeu de lancement de la Switch 2 qui va être annoncé demain? Moi, je dirais Galaxy 3. Ah, ça, c'est un beau, guess, ça. Un pas un quest, un guess. Oui, un guess. Oh. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on voudrait? Moi, j'ai dit Mario Paint l'autre fois, puis je démarre pas de ça. Il va y avoir Mario Paint annoncé. Intéressant. J'haïs pas l'idée de Galaxy 3 pour ouais, vrai. Ouais, mais c'est juste une franchise qui aurait pas dû arrêter. Là. Exact. Mais est-ce qu'il va. C'est, en tout mais tu sais, on est-tu trop proche d'un dernier Mario qu'il y a eu avant, là, de Mario Wonders, qui était pas un 3D, qui était plus un 2D flat. Avant, c'était quoi? C'est le Mario avec la ville, là? Odyssey. Odyssey avec le chapeau. C'est une grosse aventure, ouais. Ça, quand même. Le nouveau Star Fox, on est dans le chat. Oui, j'aimerais on serait ça. Dû, en effet. Moi, je pense que Prime 4 va être un launch title et il sera disponible sur la Switch et sur la Switch 2. Ouais. J'en suis pas mal convaincu. Moi, j'ai très hâte de voir de quoi auront l'air les jeux physiques de la Switch 2, le casing, là. Mm-hmm. D'après moi, ça va être exactement le même format, là. Mais est-ce que ça va être des couleurs différentes? Où est-ce qu'on va mettre ça dans nos bibliothèques de collection? On va-tu les mettre au travers? Tu sais, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce qu'on serait? F-Zero, tu sais, mais... F-Zero, on serait dû. Ils vont-tu vraiment nous surprendre avec de quoi de complètement... C'est parce que... Ouais. De même, là, nouveau. D'après moi, ils vont essayer d'avoir inventé une nouvelle affaire aussi, peut-être. Un nouveau IP, peut-être, là, mais... Ils ont inventé Splatoon... Ah non, sur la Wii U. Ouais. Plateau Arms, mais genre c'est mort assez vite, ça, là. Ouais, ça a pas levé tant que ça. C'était bien quand même, Arms, pourtant, mais ça a pas levé. Là. Ouais. Star Tropic 3, c'est clair que ça serait le fun, en effet, comme Figure Cut, il dit. Larry48 dans le chat. Question de Larry, pour moi, après toutes ces années et avec le magasin, y a-tu une boîte de NES que t'as jamais vue en personne? Bonne question. Ben, je veux dire, il y a plein de boîtes que j'ai sûrement jamais vues en personne, comme une Digger T-Rock au NES ou Dig Dug 2 même. Tu sais, il y a des boîtes communes, mais je pense que ce qui veut dire peut-être une boîte vraiment de jeux très cher, là. Genre Panic Restaurant en boîte. Ben, on l'a présentement en boîte ici, toi. Ouais. Bubble 2. Non, on a... Tous ces gros jeux-là, on les a pas mal tous vus en boîte. Laisse-moi sortir ma collection vite fait, puis je te le dirai drette là. Pendant que tu cherches, on a un Retro Gamers fan qui prédit que le boîtier va être légèrement différent, genre un peu plus haut pour la Switch 2. Ah ouais, hein? Un peu plus haut. Moi, je pense que ça va être exactement la même grandeur, peut-être une couleur différente ou un genre Switch 2 sur le côté différent, mais je pense qu'ils vont garder le même format pour les collectionneurs, justement. Là. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de noir, tu sais, dans le... Ouais. Dans la direction artistique de tout ce qui est annoncé. Tu sais, la Switch 1, c'était les backgrounds étaient rouges, puis il y a beaucoup de rouge, le corps est rouge. Là, j'ai comme l'impression que ça va être la même affaire, mais en tout cas, moi, c'est mon guess de design, là. Même chose, mais au lieu que le carré soit rouge, il va être noir, puis la tranche va être noire, comme Darksiders. C'est un guess. Il y a 20% des chances que ça arrive. Prenez des paris à Vegas là-dessus. Mais ils m'ont tellement surpris déjà en disant que ça allait s'appeler la Switch 2. Tu sais, j'aurais jamais... C'est l'affaire qu'on avait calé qui ferait jamais. Puis ils n'ont jamais fait ça. Puis là, ils l'ont fait. En même temps, en tout cas, C'est-tu botché ce projet-là? C'est-tu juste pour. Non, pas je sais pas. Pas botché. Ben, tu penses qu'ils ont réagi au leak et puis ont appelé ça Switch 2 à cause de ça, genre? Ben, non, là, mais c'est-tu précipité, tu sais? Ça fait tellement d'années qu'on attend après. Je peux pas croire que c'est précipité, là. C'est... Je sais pas. Ça me semble. On va savoir plus. Quand le show sera disponible demain, ben, ça aura déjà été annoncé qu'est-ce qui se passe, là. Fait que... En effet. Fait que, juste pour revenir au jeu NES, Stadium Events, j'ai jamais vu de boîte de Stadium Events, j'aimerais beaucoup avoir ça. Flintstones 2, Surprise at Dinosaur Peak. Là, je te nomme les jeux NES du plus cher au moins cher. Puis là, on va en ordre décroissant. Little Samson, je l'ai pas nommé, on l'a déjà vu. Flintstones 2, je l'ai jamais vu, j'aimerais beaucoup l'avoir. Power Blade 2, on l'a déjà vu. Snow Brothers, je l'ai. Cowboy Kid, je l'ai. Chip 'n Dale 2, je l'ai. Panic Restaurant, je l'ai. Bunk's Adventure, on l'a déjà eu. Gun Knacks, je l'ai. Sword Master, je l'ai. Dragon Fighter, je l'ai. Mega Man, je l'ai. Scat, Contra Force. Fait que. Après ça, c'est rien de fou. Wacky Races, c'en est une que j'aimerais avoir, ça. J'aimerais beaucoup avoir ça. Mighty Final Fight, j'aimerais avoir ça. On l'a eu. Je me suis dit, Puis finalement, quelqu'un l'a acheté. Ça m'a quasiment fait de la peine. Fait que, pour moi, ça serait The Flintstones 2 Surprise at Dinosaur Peak. Ça serait vraiment la boîte que je souhaiterais avoir et voir passer. Là. Nice. Ouais. Puis. Il y a Max Guy qui dit que Lane Hudson vient de faire 56 points en ce moment et ça continue de monter. Ah, il a passé la Ray Murphy. Il a dépassé tout le monde. En fait, Lafleur, Béliveau, Richard, Chilio, c'est le meilleur défenseur recrue de l'histoire du Canadien de Montréal. C'est incroyable. C'est un joueur de concession qu'on a là qui sort de nulle part. Qui sort de nulle part, c'est un esti de beau cadeau. Parce qu'il est trop petit, tout le monde disait qu'il va se faire ramasser parce qu'il mesure 5 pieds 6. Ah ouais. Il paye 150 livres. Puis il s'est pas ramassé parce que c'est un joueur intelligent. Fait que c'est. C'est un joueur de concession, là. C'est. Demidov s'en vient, là. Ah ouais. Hostie, je vais être bandé toute la saison. Mais. Moi, j'ai hâte. Je veux pas qu'on oublie Rainbacker. Ben, il a été blessé, là, ça. Oui, puis il est loin, puis on y pense pas parce qu'il est là-bas, là. Mais Rainbacker. Ben, là, il est rendu. Oh, il est au Rocket. C'est un def, le Rainbacker. Oui, ouais. Mais c'est un def plus défensif. Ouais. Mais c'est un gars qui va te gober des minutes. Oui. C'est un Éric Desjardins plus, tu sais. C'est pas spectaculaire, ça, là, gang. C'est zéro spectaculaire, mais mon Dieu que c'est solide à la défense puis qu'on a besoin d'une stabilité. Ouais. Parce que les attaquants, le feu, c'est important, mais aussi, t'as besoin, Chris, d'un shield là, en arrière. Puis lui, man, il va venir encore solidifier ça solidement. Ça va être parfait. S'il n'est pas blessé tout le temps puis qu'il se développe comme il est supposé. Puis moi, j'y crois. Moi aussi. Les meilleurs défenseurs défensifs, c'est sûr que tu n'entends jamais parler dans une équipe parce qu'ils font pas d'erreurs. Exact. J'ai vraiment hâte. Les prochaines années vont être le fun à voir. Là. Exact. ChatGPT l'a dit, la coupe en 2027. En 2027, ouais, tu y as demandé. Non, mais c'est pas moi qui l'ai. J'ai vu sur le net, ils ont fait simuler ça les prochaines 5 années puis en 2027, c'est le Canadien qui disait gagner la coupe. J'étais comme... La fin est trop ouverte, probablement, là, rendu là. Pas impossible si tout le monde s'aligne comme fou. Là. J'ai vraiment hâte de voir le ça. Le feu. J'ai hâte. Fait que... Ah, c'est que c'est hâte. Ben, écoute, ça serait pas mal ça, je pense. On est pile à 10h, en plus. Pile à 10h. Il est 10h pile. Pile. Avant de partir, par contre, je veux juste mentionner des choses par rapport à l'horaire. Là... Tu veux mettre la finin. Tu peux mettre la conclusion. En effet. Conclusion. Donc, cette semaine est spéciale parce qu'on n'aurait pas dû enregistrer cette semaine, mais c'est le show de la semaine passée. Ouais. Donc, on serait supposé avoir un show mercredi prochain, le 9. Mais je me fais opérer mon autre main pour le tunnel carpien cette journée-là. On donne un break. Là. Fait que j'aurais pas de show cette semaine-là. Puis, on a eu une mauvaise nouvelle dans ma belle famille. Mon beau-père s'est fait diagnostiquer une tumeur au cerveau. Donc, c'est un choc difficile dans la maison. Puis, ma conjointe quitte. Pendant que moi, je me fais opérer, ma conjointe quitte pendant 5 jours pour aller à Québec, l'hôpital et tout ça. Fait que moi, je vais être seul pendant du mercredi au lundi avec mes enfants, avec juste ma main gauche pour m'occuper de ma maisonnée, me torcher et puis faire la vaisselle et tout ça, chose que je ne réussirais pas à faire. Fait que merci Fred qui vient de finir son chat qui nous raid avec un party de 8. Puis donc, je vais être vraiment mal pris. Là, puis, tu me diras ça, que je t'avais de la sauce à spag, quelque chose. Là. Ben, le pire, c'est que oui, je pense que je vais demander à mes parents de venir m'amener du ragoût de boulette, des affaires à mettre au micro-ondes. Là. Des tranches de ballonnet pré-tranchées, là, à fond d'empoil. Fait que c'est ça. Avec c'est, la main. C'est le pipi caca poil. Ouais. Qui, ah, pipi caca poil pourrait venir cuisiner. Ça serait Fred, le fun. Qui se passe le tunnel carpien. Ouais, exact. À force de faire carpien. Ça. Ça vient que ça vient tout jamé, là. C'est... fait que c'est ça, ma main gauche est faite, puis est... mais il m'en reste, j'ai encore mal, vous voyez. Ah ouais? Il y a comme un... C'est pas fini, là. Mais c'est à 80%. Mais là, on va faire la droite. Donc, tout ça pour dire qu'on est supposé avoir un show la semaine prochaine. Il n'y en aura pas. L'autre semaine d'après, le 16, t'as ton gars. Fait que, il n'y en aura pas. À moins qu'on le fasse un lundi-mardi. À moins qu'on le fasse un mardi. Sinon, ça nous repousse au 23. Puis là, j'ai-tu de quoi, moi, le 23? Il me semble que j'avais de quoi, le 23. Ça va bien. Attends, je suis dans le mauvais calendrier. Le 23, j'ai quelque chose. J'ai une conférence d'information virtuelle par rapport au quartier ici, Hochelaga, okay. Parce qu'ils veulent faire une piste cyclable. Mais peut-être que Joe et Martine vont pouvoir y aller à ma place, écouter ça. Ou peut-être ça va être disponible en différé. Fait que, tu sais, d'après moi, ça, je devrais être bon, là. Donc, le prochain show serait le 23, mesdames et messieurs. Il n'y a pas eu de questions à soir, d'ailleurs. Le show est trop rempli de contenu ce soir. Ouais, je lis mon calendrier, mais c'est ça. Là. On cherche c'est quel prochain show, là. Je veux pas décevoir les gens, là, puis je vais refaire des publications par rapport à ça, mais ça, d'après moi, ça va être le 23. Je te parlerai de WWE 2K25 de bord au prochain. Je voulais le faire pré-WrestleMania, ce sera post-WrestleMania, donc ben écoute, ce jeu. C'est parfait. Ben oui. Puis moi, de mon côté, j'ai terminé plein de jeux, fait que j'en choisirai un intéressant là-dedans, là, que je parlerai. Puis on parlera probablement, ça va être old news, là, mais on pourra peut-être donner on notre... On viendra un peu sur la Switch 2, ouais, en effet. Et puis je sens qu'il y a des gens aussi qui vont nous demander si on va en avoir un magasin, les précommandes, tout ça. Là, je peux pas, j'en ai aucune idée maintenant. Je sais pas, je vais en avoir une meilleure idée rendue là. Plus de mais chance, si j'en ai, ça me fait plaisir de partager cette information. Et voilà. Puis d'ici là, le Canadien va quasiment avoir fini son calendrier. Il va avoir fini le 16 avril et le dernier jour du Canadien. Il y aura une soirée de podcast le 18. Mm-hmm. Donc, ouais, mon t-shirt Slush Puppy pour aller avec la tout ce qui était rétro de Micro Genius. Puis, slow des jeux louches de NES, Famicom, ben, après ça, se prendre une slush avant d'aller chez vous. Une belle slush. Une belle slush. Alcoolisée. Alcoolisée. Ah ouais, une machine à slush ici. On y a pensé en plus, Max Geeks, mais on s'entendait pas entre nous, voir si c'était une bonne idée ou si ça allait juste faire de la marde puis être obligé de gérer ça. Puis aussi du popcorn, on y a pensé aussi pour que ça fasse très club vidéo. Ouais. Vidéotron et tout ça, mais on s'est dit que tout ça était un bordel. C'est de la gestion. Pas payant. Ouais. Fait que voilà. Bon ben, hey, merci à tout le monde d'avoir été là. Ça a été fort agréable. Bye au monde dans le chat. Et puis on vous dit au revoir à tous. Et puis surveillez page Facebook et tout ça. Et je vais aller dans le hub. Et puis, allez pas sur le channel, allez pas sur Discord de Papa Cassette parce qu'il n'y a plus personne là. Allez sur le hub, allez sur le hub dans le channel de Papa Cassette. Il est très actif. C'est là qu'il y a de l'action. Il est très actif, en effet. Alors, malgré le fait que t'es pas sur le Je suis même pas là. Mais on est actif pareil. J'y vais là. Je m'efforce d'y aller une fois ou deux par semaine voir qu'est-ce qui se passe là. T'aurais dû y aller aujourd'hui. Kevin, il a dit qu'il n'y avait rien de bon dans McKids. Fait que j'ai dit qu'il t'avait summoné. Kevin Boily. Ouais. Tu iras voir ça tantôt. Moi, puis Martine, on l'a fait au WEC devant lui. Puis on a eu des tonnes de plaisir. Mais je sais que t'en parles tout le temps. Puis il a dit ça. Puis je dis, oh, tu summones d'homme là si tu parles contre McKids. Ah, ben là, il aurait fallu que quelqu'un vienne me porter l'information. Parce que je serais revenu comme quand c'était le temps de chier ses syndicats. Voilà. Puis on va avoir un nouveau gouvernement aussi, fédéral éventuellement. On pourra donner notre opinion et ainsi avoir des thumbs down sur YouTube. J'aime tellement ça. Ils s'en passent des hosties d'affaires. C'est merveilleux. Yes. Merci tout le monde. Surveillez les médias sociaux pour le prochain show et pour le plaisir en général. Ouais. All right. Bye tout le monde. Ciao. Bye.